DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Sandro, je peux te poser une question? Oui, vas-y. Bon, tu nous as expliqué que si tes seins avaient grossi, c'est parce que t'as changé de pilule. Ouais, c'est ça. D'accord, d'accord, je comprends bien, mais cette pilule, elle te fera pas pousser des boutons sur le visage aussi? Si les habitants de Wisteria Lane dans Desperate Housewives devaient écouter une seule émission de radio, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Mickaël sur Énergie. Mickaël, 21h, minuit. Bien plus désespérante que les embrouilles de Desperate Housewives. Eh oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, dernier jour de la semaine, bientôt le week-end pour nous. Ça c'est bon. Et peut-être déjà pour vous d'ailleurs. T'es pas au courant? De quoi? Bah, ils sont pas en week-end là, ils sont en vacances, c'est tout ça. Bah, arrête, c'est une blague. Ah non. Qu'est-ce qu'ils ont la belle vie quand même. Ah, c'est ouf. Sans déconner quoi. T'emballes pas non plus, hein, parce que là je suis sûr qu'ils ont 40 devoirs à faire, des trucs à préparer pour la rentrée. Oui, bah ça va, c'est la moindre des choses. Hein. C'est pour eux. Oui, c'est en travaillant à l'école qu'on avance dans la vie, voilà. Ouais, je suis pas exactement, sûr. C'est bien dit. Nous tous ici, on était des super bons élèves. Oui, oui, bon, bah ça va, alors ça va. Sinon, le fait de vieillir ne donne plus le droit de penser comme un vieux, où va-t-on? Merde. Bon bref, donc on est là donc avec vous pour ce coup d'envoi des vacances, du coup on va l'improviser hein, avec une grosse émission encore une fois ce soir au programme de l'Info People. Ah très bien. On parlera aussi des nouveautés au niveau du sida. Ah fort hein. Voilà, et puis on parlera aussi du classico de dimanche soir. C'est quoi ça, classico? Bah OM-PSG. Ah mais attends putain, mais non, vous foutez de ma gueule ou quoi? Toute Paris. La semaine vous avez parlé de foot. Allez Marseille. Lundi soir PLS, mardi Champions League, hier foot encore, bim. Alors, vous avez trouvé le moyen de parler d'un match qui aura lieu dimanche soir là, c'est ça? Exactement. Non franchement c'est abusé les gars. Oh, vous foutez vraiment de ma gueule hein. En plus vous allez en reparler lundi donc ça va quoi. Je crois qu'elle nous gronde les mecs. Ouais. Tu vas nous punir Sandro? Non mais j'en ai plein le cul de vos conneries de foot de merde là. Oh, allez allez quoi. Allez, je te paye un KitKat. Bon d'accord. Bah voilà. Merci. Tu vois, c'est ça qui est facile avec elle, c'est un petit KitKat. Cher le KitKat dans la machine quand même. Hein. Enfin, bon. C'est un KitKat et elle se calme. Hein. Ah ouais c'est ouais un ouais. C'était un mars et ça repart. Je te confirme, c'est quand même relativement très très cher. Voilà. Bon on va donc essayer de parler de foot ce soir. On fera un petit tour du côté des supporters histoire de voir à quel point la rivalité entre Parisien et Marseillais bien évidemment est forte. On aura l'occasion de vous diffuser un petit exemple dans quelques minutes. Voilà, donc gros classico bien évidemment au MPG avec l'Euro qui se déplace. Eh oui, l'Euro qui se déplace à Marseille dans la ville la ville du foot. Oui, la ville oui de la victoire, c'est vrai, la ville, c'est de, la ville coupe. De foot, la ville de la coupe, à la ville de la coupe achetée. Quelle mauvaise foi. Bon, l'important c'est de l'avoir dans sa vitrine. Hein. Oui, alors ça c'est vrai. Non, par c'est contre, pas, non, bah non, ouais. Bon, on verra lundi au niveau des scores hein, entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Yeah. Le Paris Saint-Germain, voilà, c'est ça. Bon, comme je vous le disais, on va parler People aussi ce soir avec un nouveau classement FHM qui vient de tomber. C'est quoi? C'est les 50 meufs plus bonnes que le dernier classement? Ah non, c'est pas ça, non. Les non, 50 non. Meufs de People les plus bonnes. Non, toujours pas non, non plus. Ah, non les plus, 50 non plus. Meufs les plus refaites mais bonnes quand même. Non. Ils ont innové à FHM puisque c'est le classement des Français préférés, le classement des Françaises préférées des Français. Ouais, ça ouais, ouais. Ouais. Pas voilà. Super original ton truc. Ouais, si, parce qu'en fait ils les ont répartis dans des catégories, genre les plus vulgaires, les plus déprimantes, les plus méchantes, et aussi la plus élégante, la plus gentille, etc. etc. Ah, donc ça tacle un peu. Ah bah je te confirme mec. Hein. Bon alors en revanche évidemment dans le classement des Françaises préférées s'est glissée une petite malencontreuse erreur. À la 21e position on retrouve Yolande Moreau qui est belge. Ah, oui. Mesdames et messieurs, un peu de respect quand même s'il vous plaît. Merci. Voilà, je vous en dis pas plus sur le top 25, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ouais, mais tu peux nous donner le nom d'une meuf qui se fait déchirer un peu dans ouais, dans madame Chapeau, ouais. Geneviève de Fontenay qui prend très très cher. Ah, il fallait s'en douter. Hein. Ah, ouais. Mais je vous dis pas dans quelle catégorie, hein. Je laisse le suspense, mais je peux vous dire qu'elle est classée au moins dans 4 catégories, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal quand pour même. Son âge. Ah oui, je te confirme. Bon, on reviendra plus largement sur le classement FHM tout à l'heure, et puis on parlera aussi d'un sujet un peu plus grave, hein. On va se prendre la tête, on va pas se prendre la tête plutôt. C'est quand même vendredi, début des vacances, tout ça, hein, on est bien conscient de tout ça. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque il est important de le traiter régulièrement. Ouais, l'argent dans le football. Ah, mais tais-toi. Ouais. Voilà que Sandro développe le syndrome de la tourette maintenant. Dès qu'on prononce le mot foot, hop, non, là, mais ça arrêtez, y est, ça commence putain, à gueuler. Hein. C'est bon. Ça va. Bon, c'est un sujet important, c'est le sida dont on parlera tout à l'heure. Ah ouais, on en avait parlé vite fait en fin d'émission hier. Exactement, et je voulais revenir plus en largeur dessus d'ailleurs. On parlera des avancées de la recherche en termes de protection notamment, avec une innovation qui pourrait permettre de se passer de capote, et on reparlera des mesures qu'envisage l'avantage de prendre la haute autorité de la santé avec un dépistage automatique pour les gens de plus de 15 ans éventuellement. Et donc voilà, donc si vous voulez donner votre avis, si vous avez votre petit mot à dire, 612, débutez le message par Mickaël ou sur mickaël.fm. Et avant d'attaquer tout ça, on va faire un petit tour du côté du répondeur. Vous nous avez laissé des messages au 0140 71 3400 et le plus original repart avec des cadeaux. Écoutons ça. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Ouais, salut, c'est le Toulousain. Ça va bien? Bien. C'était pour vous raconter une blague à la con. Ça se passe dans un four. Il y a plein de muffins qui cuisent. Et il y a une muffine qui dit à l'autre muffine: hey, muffine, t'as vu comment il fait chaud? Et dans l'autre muffine qui lui dit: ouah, un muffin qui parle! Fin du message. Message suivant. Alors oui, j'ai entendu que ce répondeur était fait pour laisser les coups de gueule. Alors voilà. On m'a dit que le blog de Sandro permettait de laisser des buzz internet. Ouais. Alors moi, friand de nouveautés, j'y vais. Et qu'est-ce que je vois en première page? Un bébé hérisson. Mais c'est quoi ça? Fin du message. Message. Vive le vendredi. Car après, c'est samedi. On a plus école jusque-là. Oh, vive le vendredi. Fin du message. Message suivant. Salut, c'est Xavier, je voulais passer un coup de gueule. Je voulais vous dire, là il est 23h55, mais demain, vous lisez mes messages. Merci. Fin du message. Ouais, ça va, hein. Message suivant. Oh, punaise, Marge. Qu'est-ce que tu viens de manger mon KitKat? Un KitKat. Fin du message. Message suivant. Il y a l'homicide, le fait de tuer un homme. Il y a l'insecticide, le fait de tuer un insecte. Il y a le pesticide, le fait de tuer une peste. Et Sandro, c'est un crime qu'elle est la seule à pouvoir réaliser. Le caticide. Fin du message. Message suivant. Ah, il y a le nickel. Oui, alors j'ai entendu hier que tu parlais des animaux qui polluaient autant que des bagnoles. Et ouais. Ben moi j'ai calculé. Et ben le roux, il pollue autant que 19 usines nucléaires, 20 centrales et 114 centrales atomiques. Fin des nouveaux messages. Ah, je ne sais pas lequel prendre. Il y en a un qui est là ce soir. Celui qui se plaint que je mets pas ses vidéos de buzz parce qu'elles sont sûrement pourries et qu'à la place il voit des bébés hérissons sur mon blog. Ouais, c'est vrai. À défaut de le faire gagner sur les vidéos, on peut faire gagner le répondeur. Ouais, c'est vrai. À la limite, envoie-moi le buzz que tu voulais donner à Sandro et puis je jugerai par moi-même si effectivement il était bien ou si elle l'a volontairement foutu dehors. Non, pour mettre son connard d'hérisson à la place. Non, quand c'est bien, je mets. Le hérisson, c'est un plus, c'est un bonus. Oui, waouh. Mais tu sais qu'un bonus, je t'interromps, Tof, mais un bonus, c'est censé être un truc qui, tu sais. T'es content ajoutée, quoi, bah, c'est la valeur ajoutée, c'est pas le truc qui sert à rien. C'est les très bébés mignon, hérissons, la plupart des gens n'ont jamais vu à quoi ressemblait un bébé hérisson. C'est bah, voir les commentaires, les filles ont adoré, elles trouvent ça vraiment mignon. Bah, et même certains mecs ont dit ah oui, c'est mignon, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Il est chou le hérisson. Il y a peut-être de ça effectivement. Mickaël, le podcast. Le classement FHM sur les femmes people préférées de français et pas des françaises. Ah, j'ai pas compris du tout. Française préférée des Français. Voilà. D'accord. Mais donc c'est un sondage qui était masculin et féminin. Non, masculin. Masculin. Non, magazine. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est des meufs dans le magazine, mais c'est des Français, des hommes qui ont voté. D'accord. Voilà. Et uniquement des hommes. Et uniquement des hommes. Voilà, peut-être les hommes qui changent les hommes, tout, ça, effectivement, sûrement. Vincent McDoom, ça ne compte pas. Non, Vincent McDoom, ça ne compte pas. Bon, comme l'année dernière, c'est Florence Foresti qui arrive première devant Anne Roumanoff, Sophie Marceau et Marie Drucker. Mais Anne Roumanoff, on n'a pas trop eu le choix. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 mois, putain. Elle est partout quoi. Ouais, partout. Ouais, j'avoue. Bon, mais moi je pensais qu'elle allait être celle avec la plus belle dentition. Elle a les chicots qui partent vraiment partout elle. Ouais, sinon il y avait aussi les plus belles robes. Hein. Oui, c'est vrai, au niveau des robes, c'est toujours pas la même. Oui. J'ai l'impression qu'elle en a qu'une. Non, elle est toujours en rouge. Oui, c'est ça. Le rouge, mais elle change. Ouais, peut-être qu'elle en a acheté plusieurs, elle a eu un prix à l'époque. Elle a fait un prix gros, t'es à la halle. Peut-être, ouais. Bon, c'est qui votre people préféré? Commençons par le roux. Moi c'est Winehouse. Français. Ah, français. Ouais, oui, française. Ah, oui. Ah, une femme. Mais c'est dur, hein. C'est Valérie facile. D'Amido. Ouais, allez. Ah ouais. Mais elle me fait rire, je l'aime bien. Moi. D'accord. Tof. Ah, moi, c'était Marie Drucker. Hein, c'est... Marie Drucker, ouais. Sandro. Je sais plus son nom. Ah, ça sent pratique. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait quoi? C'est une comique, entre guillemets. Enfin, si, c'est une comique. Oui. Lafont. Axel Lafont. Axel Lafont, j'aime bien. D'accord, Jack. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas quoi te répondre. D'accord, ok. Très sinon, bien. J'aime bien aussi Vincent McDoum. Ça marche. On a dit ça comptait pas. On a dit que ça comptait pas, effectivement. Ah, t'as dit il avait pas le droit de voter, mais on a le droit de le choisir. Ouais, c'est vrai, en fait. Il est non, il ne peut ni voter, ni être dans le classement. Ouais, lui dans la merde, effectivement, ouais. Bon, ils ont aussi fait des classements plus précis pour savoir, par exemple, qui est la plus intelligente. Ah, et qui c'est? Voilà, bah, toujours selon les hommes, Marie Drucker devant Claire Chazal et Christine Lagarde, ministre de l'économie. Oh, il n'y a pas Vanessa de Secret Story. Non, bah, t'as vu, un peu bizarre, hein, quand même, hein. En fait, Christine Lagarde, ils ont répondu parce qu'en fait, avec tous les mythos qu'elle a dû sortir pour se dépêtrer de la crise économique avec les banquiers. C'est vrai qu'au niveau de l'intelligence, ça va peut-être faire remonter la cote, ouais. Sinon, la plus élégante, c'est incompréhensible. Alors, à votre avis, la plus élégante, hein. La plus élégante, dans les. C'est quoi, c'est une mannequin? C'est. Non. Non, pas du tout. Il y en a une dedans, mais c'est tout. Il y a une mannequin dedans. Ex-mannequin. Carla Bruni. Ouais, mais troisième. Carla Bruni, elle est troisième. Ouais. Elle est élégante. Moi, je pensais que c'est celle qui a le plus tourné. Non. C'est la première tournée de clips. Celle qui a le plus tourné de clips. Exactement. Voilà, c'est une chanteuse. Ces propos-là n'engageaient que toi. Non, mais c'était. Moi, ces propos-là n'engageaient que toi, Roux. Fais des tournées ou tu iras t'arranger à l'Elysée. Non, bah tu sais, elle vient tous les jours à 200 mètres d'ici. Pas tous les jours, mais. C'est vrai. Bon, quasiment. Bon, donc sinon la plus élégante, Carole Bouquet devant Catherine Deneuve et Carla Bruni Sarkozy. Toujours les mêmes. Toujours les Carla Bruni. Non, mais c'est du vieux, quoi. Mais Deneuve, elle est pas élégante. Si. Qui parle? T'as vu ta coupe de cheveux? Oui, justement. On a presque la même. Elle est élégante gothique. Ah oui, tu confonds avec Armand Daltaï. Mais non, c'est l'autre là qui a grossi, qui a des gros seins. Catherine Deneuve, non, c'est pas Brigitte Bardot. Elle était maquillée bizarre là, une cérémonie, elle avait du noir partout. Non, c'est Isabelle Adjani. Ah oui, Adjani. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Bon, alors il y a aussi la people avec qui vous passeriez vos vacances. Oh bah la plus riche, hein. Ah ouais. Non, mais ça c'est Carla Bruni. Clara Morgan. Clara Morgan pour Jack Toff. Moi Marie Drucker. Pour rigoler, je dirais Emily de Secret Story, mais que si elle vient avec Vanessa. Pour se marrer, alors. Alors la troisième c'est Florence Foresti, ensuite précédée par Sophie Marceau, et la première effectivement Clara Morgan. Pourquoi Sophie Marceau? Bah je sais pas. Il faut faire le lâcher de téton sur la plage. Non mais elle a oh, je déteste dire ça, elle a un capital sympathie Sophie Marceau. Elle a un capital sympathie. Non mais c'est vrai, les Français l'aiment beaucoup, quoi. Et le Roux te dirait qu'elle a également un gros capital dans son compte en banque. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ouais, c'est mieux pour partir en vacances. Bah, j'espère pour elle. Hein. Mais ça, c'était pour celle que les hommes aiment le plus. Hein. Mais il y a aussi celle que les hommes détestent. Alors attention. C'est là que ça va être prostitué. Attention, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, avec la people la plus vulgaire et la gagnante est... La plus vulgaire. Franchement, la plus vulgaire. Loana, devant... Elle est pas vulgaire, elle arrive plus à parler maintenant. devant Lio... Très bonne imitation de Paul Lucie Bizarre. Devant Lio et Geneviève de Fontenay. Lio. Lio, oui. Ouais, elle était vulgaire sur le plateau. Sur la nouvelle star, elle était super vulgaire. Ouais, c'était pour rire. Alors, ce n'est pas terminé. Merci FHM pour nous avoir donné toute cette information-là. C'est dommage que Secret Story s'est fini super tard parce que du coup, Vanessa n'a pas pu participer, mais je pense qu'elle sera ressortie dans quelques catégories. Non, elle est pas vulgaire. Si elle tient encore un peu, elle tient peut-être l'année prochaine. Elle est pas vulgaire. Bon, et puis Geneviève de Fontenay qui est par contre classée première. Où ça? Première. Dans. Bah, vulgaire, non? Non, elle est vulgaire. Elle a traité une miss de salope, hein. Je vous rappelle qu'elle a été au tribunal pour ça. Hein. Peut-être, oui, mais enfin ça sent. Et toi, tu trouves ça vulgaire? Et donc, sortant de la bouche d'une vioque, oui, je trouve ça vulgaire. D'une vioque, et donc, Geneviève de Fontenay, qui est par contre classée première dans la catégorie people, la plus méchante. Ah oui, voilà. Ça allait bien avec le salope de tout à l'heure. C'est vrai. Mais à votre avis, qui est la people la plus détestée des Français? Détestée carrément. Ouais. La plus détestée, Marine Le Pen. Ah, c'est pas bête, mais c'est pas vrai, elle est pas vraiment people. Elle. Non, oui, c'est vrai. Elle n'est pas détestée par la. Elle est la plus déprimante devant Geneviève, encore elle évidemment, et Martine Aubry, présidente du PS. La plus déprimante. C'est un autre classement, c'est une autre catégorie. Je dis à votre avis, qui est la people la plus détestée des Français? Elle est la plus déprimante devant Geneviève et Martine Aubry. Mais Martine Aubry, elle est pas déprimante, c'est juste. Si. Non, mais si, t'as l'impression qu'elle a enterré toute sa famille à chaque fois. Oui, mais c'est physique. Elle est pas, voilà. Ah oui, elle est pas été par la nature. Oui, mais on n'a pas demandé le. Oui, bon, la plus moche. Les critères du roux. Par contre, Martine Aubry, ce n'est pas sa famille qui l'intéresse, c'est le PS. Bon, et sinon, elle est la plus énervante devant De Fontenay, Rachida Dati, qui est la plus bling bling des people. Ah oui, Dati, bah oui, avec ses pompes et tout. Voilà. Ouais, c'est son truc Dior là qu'elle avait mis dans. C'est-à-dire que le premier truc qu'elle a fait quand elle a été élue ministre, c'est faire des photos dans Voici, je crois, habillée avec une robe Dior. Ah bah oui, on va faire ça. Proche du peuple. Mais bien sûr. Je crois qu'on va pas trouver la Mike. Une qui est proche du peuple, c'est la reine de Belgique. La reine, ah oui, bien sûr. Elle est très proche du peuple. Ah, elle va faire ses courses aux Trois Suisses. Exactement. Elle met des robes Trois Suisses. Mais oui, elle va là avec la princesse. Ah. Ça va pas trop la royauté en Belgique. Hein. Non, c'est juste qu'ils se rendent compte qu'il y a un moment, pays, il faut être proche du peuple. Budget, hein. Ouais. Ouais, bah, tu vas voir le budget du royaume. Enfin, tu vas voir le budget du roi. Ah oui, mais c'est toi qui fais le budget du roi. Ah, bah, en tout cas, il en lâche pas à sa femme. Le budget. Ça c'est vrai. Donc, attention. Donc, je reviens sur mon truc. Mais on l'a toujours pas trouvé. Donc, c'est là qui on ne prêterait pas d'argent devant Loana et Rachida Dati, qui ne doit pas vraiment l'avoir besoin. Dit en passant, à votre avis, toujours pas d'idée? Moi je prêterais pas d'argent à Loana parce que. Non, tu prêterais pas d'argent tout court, ouais, toi. Ouais, donc, même à ta mère, tu prêtes pas de l'argent. Donc je recommence, je recommence pas tout, mais juste la question. À votre avis, quelle est la people la plus détestée des Français? Donc 611-12, dites-nous si vous avez une idée. Débutez le message par M-I-K-L avec prénom, âge et numéro de téléphone et on fera le jeu dans quelques instants. Donc sachant que c'est la plus déprimante, la plus énervante. Et celle à qui on prêterait pas de thunes. Exactement. Ah oui. Voilà. Bon, ça a l'air d'être une vraie connasse. C'est pas qui c'est, mais. Voilà. Eh bien, c'est Sandro Lopez. Voilà. Bon, donc 612, débutez le message par Mickaël, donc avec la réponse. Prénom, âge et numéro de téléphone. Voilà, on parlera du SIDA dans quelques instants. Si vous avez envie de réagir vous aussi d'ailleurs. 612, débutez par Mickaël, on fera le jeu des amis, tout ça dans moins de 3 minutes. Mickaël, le podcast. Et on en parlait depuis hier, il y a 40 000 personnes qui vivent en France avec le virus du SIDA sans le savoir. Putain, sans le savoir. Ouais, du coup, il y a la Haute Autorité de Santé qui demande qu'un dépistage soit proposé systématiquement, mais sans forcément le rendre obligatoire. Ah, c'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, à chaque. Par exemple, quand tu fais les. Tu fais une prise de sang, par exemple, ils vont t'a proposer, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ah, d'accord, et tu as le droit de refuser. Ah oui, c'est pas le truc qu'on disait hier, on disait que ça allait être obligatoire. Non, c'est-à-dire qu'ils vont le proposer sans pour autant l'imposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'accord, si tu vas faire une prise de sang, tu demandes un check-up, ils te font pas forcément l'HIV. Faut que tu dises mettez aussi le virus du sida en plus. Et alors que là maintenant, si tu demandes un check-up ou si tu fais une prise de sang, bah, ils vont d'office te mettre le sida, quoi. Ouais, heureusement. Mais bon, ça restera quand même confidentiel. Ah, ça restera confidentiel, évidemment, ouais. Et le pire dans l'histoire, c'est que la plupart des gens qui sont pas au courant, en fait, sont mariés, ont des gosses, ont juste trompé leur femme un coup, deux coups, trois coups peut-être, mais ils se considèrent pas comme à risque et donc ils font pas la démarche d'aller faire le test puisque pour eux ils ont 40, 50 balais. Ouais, aucun problème, quoi. Voilà, et pour eux le jour où ils ressautent leur meuf, bonne, ils foutent le sida. Exactement. Et donc il faut savoir aussi que chaque année il y a 6 à 7 000 personnes qui sont contaminées par le sida en France, et donc c'est dramatique. Mais c'est bien, même c'est bien, dire, ouais. C'est bien de le rendre systématique déjà. Ouais. Et là où tu reviens, Roux, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont aussi demandé à ce que la prise de sang et le check-up du sida soit obligatoire, mais on n'en est pas encore là. Ouais, ils ont fait la demande, quoi. Moi, à la rigueur, j'en fais peut-être un peu partie. Je me dis, s'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, on s'était dit, voilà, maintenant on dépiste tout le monde. Ouais. Putain, on n'en serait pas là, ça se serait pas propagé à ce point-là, quoi. Peut-être, ouais, probablement. Mais c'est même sûr, parce que en fait, oui, c'est sûr. Parce que le problème qu'il y a, c'est que comme tu fais pas le test assez vite, tu sais, c'est quand t'es vraiment malade qu'au final, on te fait plein d'examens et on se rend compte que c'est ça que t'as. Bah, c'est trop tard, parce que t'as déjà déclaré la maladie. Voilà, et t'es mort. Oui, bah oui. Tu peux pas être traité, mais si tu détectes quasiment, allez, on va dire quelques mois après que t'aies été contaminé, bah du coup, tu peux être traité. Et t'as des gens qui vivent pas super bien, mais qui continuent à vivre leur vie. Et maintenant, c'est vachement plus long qu'avant. Où c'était juste 10-15 ans, maintenant il y en a des gens, ça fait 30 ans qui vivent avec ça, quoi. Ouais, et qui peuvent vivre sans problème, on se comprend évidemment. Hein. Donc sinon il y a aussi une bonne nouvelle pour ceux qui supportent pas le latex, ou qui trouvent que les capotes c'est trop cher. Donc c'est des Belges qui ont inventé ça, c'est un anneau vaginal qui diffuse en continu un médicament contre le VIH. Il y a des tests qui sont en train d'être faits en Belgique, qui seraient plutôt bons puisque l'anneau serait efficace jusqu'à 28 jours. Donc voilà, la commercialisation n'est pas pour tout de suite puisque l'anneau doit encore être testé en Afrique avant sa mise en vente. Alors leur problème évidemment, c'est que tu sais, ils font des tests mais ils peuvent pas délibérément mettre des femmes, enfin ils peuvent pas risquer les femmes d'avoir le sida, si tu veux. Donc ils doivent encore trouver des trucs pour être sûr que le truc marche à 100%, quoi, parce qu'il s'agit s'agit pas d'avoir un risque de 99%. Pourquoi ils doivent le tester en Afrique? Peut-être que, enfin, c'est là où il y a le plus de contamination. Voilà, ils voulaient le tester là. Après, j'ai pas, il y a pas eu plus d'infos sur le site. Parce que ouais, c'est ça. Ça doit être pas à cause des populations à risque en fait. C'est-à-dire comme c'est là que t'as les plus gros risques, en fait, c'est là qu'ils ont le plus facile entre guillemets pour faire des tests de grande envergure. Voilà. Et puis dernière bonne nouvelle aussi, hein, c'est des premiers tests de vaccin contre le sida en Thaïlande qui n'est pas encore fiable puisqu'il n'a fonctionné que sur 30% des patients. Mais c'est la première fois que ça monte au-delà de zéro. Ah, c'est pas mal déjà. Donc c'est pas mal, ça veut dire que c'est plutôt pas mal, mais il faudra quand même a priori encore attendre au moins 10 ans pour être pour peut-être le voir en vente. Hein. À la fin des tests quoi. À la fin des tests, voilà, c'est ça. Donc ça c'est le côté négatif. On a pas mal de chiffres aussi qu'on vous donnera tout au long de l'émission parce que bon, c'est des chiffres qui sont forcément un peu déprimants et puis au niveau des chiffres. Non, très déprimants. On sait que les chiffres c'est un peu relou, hein. Commençons par le premier par exemple. Hein, allez, sida en chiffre, 2,7 millions de nouvelles contaminations. Par an. 33 millions de séropos, 2 millions de morts du sida. Ouais, on va s'arrêter là parce que voilà, bon, sortez pas d'air. Hein. C'est pas des. Et maintenant, on fait entrer les clowns. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y a Rémi qui est là. Bonjour les amis. Maintenant, si vous avez envie de donner votre avis sur le SIDA ou si vous avez envie de raconter une histoire qui vous est arrivée ou pas, hein, ça dépend. 6-11-12, débuté par Rémi Kiel ou sur rémikiel.fm. Allez, Rémi qui est là maintenant. Comment ça va, Rémi? Salut Mickaël, salut l'équipe. Ça va bien? Salut. Salut. Ouais, et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, ouais, c'est le week-end, là, Marseille va gagner ce week-end, la cool. Ah, les LOM. Allez, Marseille. Bonne ambiance, ça va. Ah bah, il y aura une bonne ambiance, il y aura une bonne ambiance dimanche soir. Hein. Ah oui, dans pas sûr. On saura à la fin s'il y aura une bonne ambiance de fin de soirée. Pas sûr, hein. Je rappelle, il faudrait qu'il s'arrête de pleuvoir, puisque c'est inondé là-bas dans le sud-est. Ouais, ouais, ouais. Putain, ça se trouve, vous allez faire du, comment on appelle ça, du water polo. Ouais. Ça se trouve, t'arriveras pas parce que le chemin de fer sera bouché. Oh, je peux me marrer si t'es coincé dans le train. Moi, je peux vraiment pas me marrer. Alors que t'as payé les billets, t'as payé il va pas rester 24 heures. On sait pas, il peut. Mais non, pas 24 heures dans un train. On sait pas. Non, mais t'es censé arriver combien de temps avant le match? 24 heures. Ah oui, non, oui. Non, il a pris, c'est pour être sûr. Hein. J'ai pris le moins cher. Hein, ah. c'est pour ça, s'il avait pu prendre le train de nuit, il l'aurait fait. Hein. Ah oui, c'est clair. Ouais. Bon, Rémi, on va donc jouer maintenant au jeu des amis. Je vais te poser une question. Je vais te poser rien du tout. Je vais poser 10 questions à un de tes potes. On va voir si il te connaît bien. Forcément, des questions à ton sujet. S'il répond correctement à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ouais, je pense que c'est mort. Là. Ah bah ça commence bien. Et les questions qu'il pose. Ça commence bien. Bon Rémi, on appelle qui? Tiffaine. Sans amis, on aurait dû s'en douter. Tom ou Noix ou Noy? Noy, voilà. Noy, d'accord. Tiffaine, d'accord, allez, on y va, on appelle Tiffaine. Bon ça commence bien, hein. D'ailleurs il faut peut-être même pas faire le jeu puisqu'il est déjà il part défaitiste. Ouais. Oh les gars, viens, comment ça se passe? Bah écoute, faudra poser la question dimanche soir en roue, hein. Mais... Allô? Bah ouais. Ça va bien se passer. Bon, allô Tiffaine. Oui. Salut Tiffaine, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Salut. Ça va? Ouais. Bon, je t'appelle avec Rémi pour le jeu des amis. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux. Elle a intérêt. Comment? Elle a intérêt. Ah, elle a intérêt, d'accord. Oui, bah c'est pas gagné. Moi, je la fracasse. Hein. On va voir. Je la fracasse. T'es prête Tiffaine? Ça, c'est une amie. Ouais. Allez. T'as une minute, si il faut répondre du tac au tac, si tu sais pas tu passes et c'est donc considéré comme une mauvaise réponse. D'accord. Top, quel métier est-ce qu'il aimerait faire dans l'absolu? Journaliste. Oui, bonne réponse. Quelle est la chose la plus ignoble qu'il ait mangée? Son cahier de maths. Oui, du papier. Rémi, juste, il faut quand même être complètement con pour bouffer son cahier de maths. C'est pas fait pour moi. Mais en fait, t'as un pari avec le prof quoi. Avec le prof. Ah oui, c'est bien. J'avoue que c'est assez con quand même aussi. Ouais. Ouais, bah là pour la peine, mais les deux hein, en l'occurrence. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, deuxième question, troisième, pardon. S'il était une fille, avec quelle star est-ce qu'il voudrait sortir? La fille qui joue dans Véronique Mars, la blonde. Mais non, c'était s'il était une fille, donc c'est Keanu Reeves. Ah ouais, c'est dommage. Bah oui, c'est pas grave. Si il était une star du X, il serait qui? Clara Morgan. Non, Katsuni. Ouais, très très bon choix. Il préfère les annales. Bah, je vous écoute. Hein. Genre asiatique. Bah, on entend ça. Quelle est son insulte préférée? Pouvez-vous répéter? Quelle est son insulte préférée? Son insulte? Insulte. Ah, insulte. Putain. Non, enculé. C'était pas là. Ah oui, t'avais raison. Voilà. Bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? S'il était un bruit, il serait quoi? S'il était un bruit? Un bruit. Bah il serait Pang. Ah oui, c'est un bruit ouais. Bah oui, oui, c'est oui, oui. Bah, la question est idiote, donc la réponse est idiote. Hein. Mais non, toi, t'en as répondu un peu. Ouais. C'est vrai. Bah, voilà. Bon, est-ce qu'il lui arrive de regarder la cuvette des chiottes avant d'avoir tiré la chasse? Ouais. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. C'est inquiétant si tu le fais pas. Hein. Quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? Je suis inquiétante alors. Un livre de blagues. Allez, on continue. Quel est le prénom de Sarum? Le prénom de quoi? De sa mère. Laurence. Laurence, bonne réponse. Quelle est la partie la plus longue de son anatomie? Allez. C'est ses jambes. Ses jambes, bonne réponse. Ouais. Allez, pour des parties. Eh, ça va, Rémi. Ouais, non, mais... Tu vas avoir bouffé ton cahier, tu vas bouffer le téléphone. Bon, allez, le petit dernier. Alors, s'il devait se faire un nouveau tatouage, ou un tatouage tout court, qu'est-ce qu'il ferait et où? C'est une double question. Ophélie sur le dos. Et presque, c'était Homer Simpson sur le bras. Oh là là. Ah, Homer Simpson sur le bras. Oh, quelle horreur. Le truc pas dur à porter. Voilà, voilà. Mais et j'ai improvisé, hein. Oui, bah, ça, on l'a bien vu, hein. T'as improvisé? Oui, puisque c'est perdu, hein. Ouais. Ouais. C'est bien essayé. Oh, écoute, c'est bien essayé, c'est pas grave. Hein. Bah, rien gagné du tout, là. Ah non, là, rien, non. Ah non. Ouais. Tu gagneras la considération de Michel, c'est déjà beaucoup. Oui, d'ailleurs, il y a un message sur le chat qui disait Michel en mode 50 Cent aujourd'hui. Oui. Ah, la casquette. Il est en mode West Coast. Ouais. Non, on t'entend mal. What's up? On m'a pas demandé mon avis pour le répondeur aujourd'hui. C'est très vexé. Bon, on demande jamais en même temps. Hein. On lui a demandé comment ça allait, il répond pas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Nigaz. En même temps, d'habitude, on te le demande pas, c'est toi qui le donne. C'est clair, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, Tiffany et Rémi, je vous repasse chez Micha au standard, d'accord? Ouais. Ok. Salut à vous deux, à bientôt, bon week-end. Ciao à vous, bye bye. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais ouais. N'est-ce pas? Même au meilleur. C'est triste. Mais oui, je sais. Mais ouais. On garde un cadeau. Exactement. Ça, et ça, c'est bien. Le roux sera content. Oui, bah, sauf que je vais pas le récupérer, donc je m'embrasse. Ce sera ça en plus qu'il pourra mettre sur eBay. Exactement. Mickaël, le podcast. Alicia qui est là. Allô, Alicia? Allô. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Quel âge as-tu? Bien. Quel âge as-tu? Ah, 17 ans. Très bien. Bon, Alicia, tu sais quelle est la people détestée des Français? La plus détestée des Français? Je pense à Ségolène Royal. Eh oui, Royal. Royal. Voilà. Royal. C'est pas tout à fait la même. Ségolène Royal. Bon, effectivement, Ségolène Putain. Royal. Je me fous de sa gueule, je me fais baiser. Ségolène Royal. C'est qui ressemble à un gogol maintenant? Peut-être, mais c'est pas un gogol avec des gaufres dans le cul, tu vois. C'est ça la différence. C'était bien classe. Voilà. Ouais. Jennifer Lopez, ouais. Oui, bah, c'est pareil. Oh, les deux ressemblent. Les deux culs. Un de chaque côté. Voilà. Bon, Alicia, c'est gagné. Oh yes, merci. Eh oui, c'est une bonne réponse. Et alors, j'ai aussi quelle est votre donc française préférée? Donc on avait dit effectivement Florence Foresti, hein, qui est number one. Alors Josiane Balasco, 6e, 9e l'année dernière. Sandro, on dérange pas, dis donc. Ah non, pas du tout. En train de taper à discute là. Blablabla et blablabla, c'est incroyable. Ça, on se voit. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle est Josiane Balasco, tu sais plus, elle est quantième? Elle a une fille, Josiane Balasco, qui fait du cinéma aussi. Elle est quantième? Elle dans le classement? Oui. Elle est entre la 25e place et la première place. C'est ça, ouais. Même cinquième. Pas. Non, 6, c'est dommage. C'est pas 6, hein. C'est 4. C'est vrai. Et je savais pas, moi. En même temps, c'était 6e. Bon, sinon, il y a Mylène Farmer aussi qui est 8e, Clara Morgan 9e. Il y a quoi aussi? Ramayad, 17e. Oh, c'est pas mal. Attends, oui, c'est vrai. Quoi le classement en fait? C'est votre française préférée. D'accord. Voilà. Sophie Davant, 23e. Et alors justement, avant elle était nulle part puisqu'elle vient de rentrer dans le classement. L'année dernière elle était nulle part, voilà. Et puis Mathilde Seigné, 24e, donc une nouvelle entrée également qui vient de débarquer. Donc voilà. Non mais c'est incroyable. Ah c'est dégueu. Ce qu'il vient de faire, c'est horrible sur la vitre. C'est surréaliste. En fait c'est un mec qui bosse avec nous, donc il a fait une tête en s'appuyant sur la vitre et évidemment ça fait une tête sur toute une trace. Maintenant ça me dérange. Sandro, va un peu nettoyer la vitre. Il a surtout pas de vie quoi. Ouais. Sandro, va un peu. Non, rentre chez toi. Va nettoyer la vitre. Bah c'est surtout toutes les crasses qui viennent se mettre dans la bouche. Ah ouais là je te confirme parce que depuis qu'on a transformé le studio on n'a pas nettoyé. Eh Fred, si tu veux entendre ce qu'on dit, rentre dans le studio hein. Donc demande de répéter. Hier ça avec son t-shirt de con là, bête t-shirt à la noix là. Bon allez, c'est pas grave. Donc voilà, le point FHM c'est terminé. On va pouvoir. Alicia, je te fais des gros bisous et surtout, on va te repasser Michel au standard. Ok, d'accord, merci. À bientôt Alicia. À Au revoir. Salut, ciao. Et puis on reparlera du sida aussi dans quelques instants. Mais avant cela, j'avais promis à Sandro qu'on allait parler people. Même si elle a bouffé sa gaufre, j'ai hésité à. Oui, mais c'était accompagné d'une salade. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Salade à la gaufre. Tu es aussi, trop ouais. Bon, trop bon, allez, Michael. Un petit mot sur notre ami FX, hein, François-Xavier de Secret Story. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, hein, je sais pas si vous vous souvenez, il nous avait annoncé quand il était venu avec Cindy qu'il allait devenir l'égérie d'une marque de cosmétiques. Alors déjà là-dessus, on en sait un petit peu plus, puisqu'apparemment c'est une marque de cosmétiques spécialisée dans les rajouts de cheveux pour les blacks. Il pouvait pas plutôt lui faire deux ou trois ajouts de testostérone. En plus, quand tu lui parles de rajouts de cheveux, il s'emballait lui. Oui, oui. Non, mais c'est surtout qu'il était incapable de citer la marque pour laquelle il allait. Ça, ça craint. C'est vrai que c'est Sarah Fierce. Ouais, moi j'aurais été la marque, j'aurais pas apprécié. Bref, donc FX a aussi été choisi par Jean-Paul Gaultier et John Galliano pour présenter leur collection lors de leur prochain défilé. Ça, il va défiler pour Gaultier et Galliano. Eh ouais. Mais attends, c'est Gilbert Montagné qui fait le recrutement chez eux. Bah, je sais pas là. En même temps, il est déjà occupé hein, pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire que bientôt il sera maire de je sais plus quoi là. Il va se la raconter FX, un truc de ouf là. C'est déjà un peu le cas quand même. Ouais, non, mais là il aura des raisons à la rigueur. Non même pas bizarre. Tu défiles pour Gaultier Galliano oui, toi mais tu te la ramènes pas quand même. Ouais mais tu sais, connaissant Gaultier, il est complètement barré, donc il a peut-être des trucs improbables à lui faire porter. Hein. Oui, ça c'est possible aussi. Bon, et donc la dernière nouvelle concernant FX, on a entendu Alexandra Paressant, donc vous voyez qui c'est ou pas Paressant. Hein, la meuf qui avait fait croire qu'elle était la maîtresse de Tony Parker alors qu'elle l'avait jamais rencontrée. Donc voilà, donc Alexandra Paressant a annoncé dans la presse People, donc qu'elle allait faire un duo avec François-Xavier. Avec François-Xavier? Oui. Mais c'est vrai au moins cette info? Bah non, encore du mytho. Hein, par contre, l'info c'est que FX, lui, va vraiment se lancer dans la chanson. Et ça, c'est un drame. Ah, par contre, ce serait bien qu'ils se lancent très très loin et qu'ils reviennent pas. Voilà, effectivement, c'est une très très bonne chose. Effectivement, c'est quand même un truc de fou quand même. Mais ça, c'est impressionnant. Non, le mec, c'est pas chanté qu'il va sortir un titre juste parce qu'il a fait Secret Story. Ouais, enfin en même temps, comme d'hab. Dans un pays où David Douillet peut faire de la politique, pour moi, tout peut arriver maintenant. Non, mais d'accord, mais enfin quand même quoi. Et même avec Gilbert Montagné aussi. Hein. Ouais. Non, mais t'imagines les députés bientôt Gilbert Montagné et David Douillet, c'est qui le prochain? Bah, chez toi? Bah, Stevie, je peux pas moi. Ah oui, merde, c'est vrai. Bah, Roux alors. Bah, l'UMP? Ah bah alors pas tout de suite hein. Si c'est bien payé. Non mais hey, Roro, je te rappelle que si tu fais un mandat au Sénat, tu gagnes donc déjà 5000 euros par mois, mais tu les gagnes à vie. Ah bon? Ouais, t'es ah, après, ouais. Ça a changé tout avec de suite le, hein. Avec le chauffeur. Ah ouais. Ah, c'est fini les RATP. Je m'en fous hein. N'importe quelle partie moi. Peut-être pas n'importe quelle. Oh, à 5000 euros je réfléchirais quand même. Même. Mais bon. Mais bonsoir. Ouais, mais bonsoir monsieur Roux. Mais même chez lui, tu sais, je fais des merguez en interne au FN et tout, je fais chier à l'intérieur du parti. Ouais, mais la honte, mec, quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, quand même. Bon, quand même. On peut quand même dire qu'il a la tête de l'emploi, quoi, mais bon. Ouais, ça. Bah, arrête tes conneries. En tout cas, il a la veste de l'emploi, ça c'est sûr. Bon, faut qu'on vous parle aussi de Miss Californie. Ce qui lui arrive, c'est un truc de dingue. En fait, tout commence comme chez nous, donc elle se présente à l'élection américaine. Bon, elle finit seconde, je crois, et puis bah, comme elle est bonne, évidemment, et puis on va dire qu'elle a des arguments, donc elle signe un contrat avec la société qui organise l'élection. Et là, grand classique de la Miss. Elle pose à poil. Bingo, évidemment. Bonne réponse. Et alors, il y a aussi Geneviève de Fontenay là-bas qui leur prend la tête. Pire, Geneviève de Fontenay. Ouais, yeah. C'est ça, non, c'est pire, c'est la société par contre, qui l'emploie. Elle a une casquette là-bas. À l'envers. La société qui l'emploie est plus que scandalisée et son contrat est rompu immédiatement. Bref, c'est comme ici. Mais le pire est à venir. Et oui, entre-temps, pour des raisons que j'ai du mal à imaginer, K2 Productions, en fait, la fameuse société en question, lui a acheté. Alors, à votre avis, lui ont acheté quoi? Une maison? Non. Une voiture? Non. Un cerveau? Non. Des fringues? Non. Des cheveux? Non. Un mec? Non. Je sais pas. Moi, des cours d'anglais? Non. Bah non. Ségolène Royal? Mais non. De la bœuf, parce que là-bas, en Californie, c'est en train d'être légalisé. Une maison? Ce n'est pas ça. Donc, ils lui ont acheté des seins. Et oui, ils lui ont payé des fournichons. Alors, le problème, c'est que maintenant qu'ils sont en embrouille, notre Miss Californie se retrouve avec deux hypothèses. Soit elle rembourse l'argent qui a servi à lui payer ses implants, soit elle rend les implants. Bah oui, c'est facile. Ouais. Je la vois bien, elle était dans le bureau du patron. Attendez, je vais couper sous mon sein. Oh, voilà, je vous rends le silicone. Et bon appétit, bien sûr. Voilà. Mais c'est complètement idiot. Bah oui, mais bon. Cadeau. Mais non, mais c'est dans le but de rembourser, de récupérer l'oseille. Bah ouais, ils s'en foutent, la société K2, là, de récupérer deux implants, ils vont faire quoi avec? Ouais, mais même, reprendre ses volets. Bah, ils vont les remettre sur une autre, hein. Faut bien les amortir, les implants. C'est vrai, peut-être. Bon, et puis une petite info là qui pourrait trouver sa place dans le mag maintenant, ça nous ferait un bon con du jour, mais bon, c'est un people évidemment. Hein. Jean Sarkozy. Non, raté, il s'agit de Lil Wayne. Ah oui. Ah. C'est le rappeur. Ouais. Voilà, exactement. Qui a bien grandi. Qui a bien grandi. Mais non, pas du tout. Tu confonds avec Lil Bow Wow. Ah, Lil Bow Wow, oui, c'est ça, effectivement. Ah, non, c'est pas. Je confirme en plus. Lil Wayne, c'est le rappeur qui est considéré par les gens qui connaissent bien le rap comme le meilleur rappeur de tous les temps. Et voilà. C'est un jeune, il est jeune, j'ai vu une photo de lui, c'est un ado. Ouais, il est jeune, ouais. Non, il est pas très vieux en tout cas. Bah, il a 20 ans, quoi. Je non, pas il a plus, plus âgé que Pablo, ça. Pablo, il a quel âge, Lil Wayne? Lil Wayne, c'est quel âge il a? Il dit 15 ans, mais qu'est-ce qu'il est con, lui, alors? Micha, il doit non, savoir, c'est un rappeur, ce soir. Oui, tu parles. Micha, quel âge il a, Lil Wayne? Lil Wayne? Ouais. Ah, écoute, t'en sais rien. Attends, non, non, non, mais si, je sais. Il a 37 ans. Oh, il est con, alors. Ouais, on vérifie, attends, on vérifie si jamais c'est faux, on lui met une claque chacun. Ouais. Ouais, ouais, moi, je dirais 27 à peu près. Alors, je suis tout seul à participer, là, c'est normal. Non, moi, je dis 27. Tout le monde va participer. Non, ça dit 27. Moi, je dis 27. Attends. Non, mais non, attendez, les gars, non, c'est Micha, faut bien qu'il se prenne 5 tartes, c'est pas drôle si c'est 34. Je dis 27, et s'il a perdu, c'est lui qui prend des baffes. Très mais bien. Mais ça, c'est pas mal, c'est logique pour toi. Oui, oui. C'est bien. Attends. Alors, Lil Wayne. 82, donc il a 27 ans. Il a 28. Voilà. Quel âge j'ai, moi? Je suis né 87. En 82. Bah, enfin, c'est pas possible. 27 septembre 82. J'ai quel âge? Je sais plus. Et c'est normal. C'est j'ai 27 ans. Donc il a 27 ans, donc je peux aller. C'est bien ce que j'avais dit. Allez, non, hop, 37. Je peux aller taper Michel. Allez. Héro, tu peux mettre la mienne. Allez, c'est bien parce que les auditeurs qui sont passés vont se faire plaisir aussi. Micha, t'as perdu. Laisse-toi prendre. Alors, le problème, c'est qu'ils sont tous partis. Hein. Voilà, t'as les auditeurs du public qui sont partis avec. Et trouvons la solution pour ne plus rien branler. Oh bah là, il va être handicapé. Donc. La moitié de l'équipe est partie. Non, ah bah, non, c'est pas non. Que l'équipe, là. Hein. Non, ouais, c'est vrai. C'est tout le public. Hein. C'est dingue quand même. Bon bah tant mieux qu'il s'aille le frapper seulement. C'est bon, on a envoyé les auditeurs à sa poursuite. Bon, je disais donc que Lil Wayne, il lui est arrivé un truc à la con. Alors je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe au States et au niveau du port d'armes. Du port d'armes. Bah c'est légal. Tu mets ta ceinture. Non mais non, c'est pas ça. Il y a des États qui autorisent le port d'armes et puis il y a des États qui n'autorisent pas le port d'armes. C'est comme en gros si j'en sais rien, en France on pouvait avoir le port d'armes et puis dès que tu passes la frontière en Espagne, bah tu peux plus l'avoir. Mm-hmm. Tu vois, donc c'est ça en gros ça. Et bah Lil Wayne est parti en tournée avec son bus donc, et quand il part, il est dans un État qui autorise le port d'armes. Enfin je suppose parce que ce qui est sûr en fait, c'est quand il s'est fait arrêter avec son gun chargé à l'intérieur de son bus de tournée, bah il était dans un État qui l'autorisait pas. Et ça, c'est dommage. Voilà. Résultat, Lil Wayne, c'est marqué, 27 ans, devrait ressortir de prison à 28. En fait, Toff, il avait la feuille, il nous a niqué. Soit un an de prison pour Lil Wayne. Oh là là, les gogoles, putain. Et le mec, il a une arme dans son bus, quoi. Ouais, il a à chaque fois où il partait en tournée à Villiers-le-Bel, il s'est dit. Oui, peut-être qu'il passait la frontière pour aller, je sais pas moi, à Tijuana. Non, mais on sait jamais, il y a les pirates des bus sur les autoroutes américaines, on sait jamais. Mais bon, et puis pour finir, on va terminer avec la meilleure. Hein. Donc petite question pour voir si vous suivez l'actu people évidemment. Pour fêter ses un an sans drogue, quel cadeau s'est offert à Amy Winehouse? Un rail. Un an sans drogue. Mais non, un an sans drogue. Pas une bouteille. Non. Un gros millefeuille. Non. Je sais pas, un gros sac de farine. Non. D'une valeur de 38 600 euros, qu'est-ce que c'est à votre avis? Un sac à main. 38 000. Une gueule. Non. Une gueule entière. Non. Bien refaite. Elle s'est des tatouages. Ça serait, je pense. Une nouvelle paire de seins. Ah elle aussi. Ouais. Et quelle taille? Ah c'est pour porter les doses sur elle. Quelle taille? Bah un 95C. Ah non. 8-6. 90C. 8-6. Ouais, c'est une marque de bière. Ouais. Non. 85D. Ah oui. D. Ah ouais. Ah ouais. En fait, 85 c'est petit. Ouais, mais elle est finelle. D, c'est le bonnet. C'est la... D, c'est le bonnet. Ouais, je sais jamais ça. C'est 80... ouais. Le numéro, c'est le tour. Oui. Et la lettre, c'est les. C'est le niche en lui-même, quoi. Voilà. Profondeur. Ok. Voilà. Et en fait, quand t'es fine du haut, faut pas prendre une grande taille. C'est comme Sandro, elle est passée de B à un bon E là. Non ah, ça y est, elle se touche les seins. Mais non, quand même pas abusé. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai dit. Et... comme Sandro, directement elle se met à mon panier. Oui, c'est toujours. Je sais pas pourquoi. Par lui de ses seins, elle se touche. Non, ouais. Mais... Amy Winehouse, en fait, c'est surtout, elle a pris des gros seins, c'est pour amortir ses chutes quand elle est bourrée. Oui, ouais, c'est vrai. Mais par contre, si ça pète, elle est dans la merde. Bon, ce qui est amusant aussi, c'est que le père d'Amy Winehouse était l'invité d'un plateau télé où on lui a demandé des nouvelles de sa fille et il a répondu rapide, genre ouais, fantastique. Et il a rajouté ses nichons sont géniaux aussi. Voilà. Ah, oui, toute la famille en a déjà profité apparemment. Ah bah, voilà. Ils ont tous été voir, hein, ils ont touché. Hein. Non, mais c'est logique. Enfin, après, je sais pas vous. vous imaginez. Ah, j'ai une petite question. Si ta mère elle se fait refaire les seins, ouais, tu touches pour voir ou pas? Bah non, pour refaire. Bah je sais pas, pour voir comment c'est. Si t'as jamais vu ça de ta vie. Bah non. D'accord. Pourquoi tu touches toi? Non, non, non, ça me dégoûterait. Non, moi, alors, j'ai alors déjà... que moi, je celle de moi, j'ai déjà touché. Attends, mais la première fois qu'on a reçu une meuf à la radio, c'était à l'époque on était encore en Belgique, il y a des années, il y avait une meuf, je sais même plus comment elle s'appelle, qui s'était fait refaire les seins aussi, et c'est la première fois qu'il touchait. Et donc la meuf qui dit bah tu veux toucher? Mec, ouais, il aura pu dire, ouais, t'sais, faire un peu le mec, ouais, genre non non, tu sais, il insiste un peu, voilà. Le mec il a sauté dessus, on aurait dit qu'il avait plus bouffé depuis 10 ans et qu'il voyait un morceau de chocolat. C'est surtout qu'il il lui a touché les seins, mais comme un gamin de 4 ans, tu sais. C'était en avant, il a fait camion quoi. Après gogol quoi. Mais c'était des faux seins, c'était la première fois. C'est... Bah, j'ai jamais touché des faux seins de ma vie. Ah bon? Non. Bah franchement c'est bizarre. Ah ouais. T'as déjà touché des vrais seins, Toff? Sinon il y a Sandro qui... Ah jamais, jamais. Arrête de mentir, connard. Et elle se retouche les nibards, hein, et c'est reparti. Non, je les protège, là, ouais, c'est différent. Tu veux pas que je te prête ma main pour mettre... Non, c'est bon. Ouais, pour soutenir. Ouais, pour soutenir. Non, bah sinon ce week-end tu fais quoi? Bah je te plote les seins. Tu vas pas en Belgique? Si, pourquoi? Bah y'a ta mère là-bas, tu pourras toucher. Oh. Ouais, bonsoir madame. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous aviez des seins comme Sandro avant ou pas? Oh là, non, non, non, mais personne lui arrive à la cheville. Hein. Ah, la voilà, cheville de ses seins. Exagérez ouais, pas, madame. Non, non, les seins par contre arrivent à ses chevilles. Moi j'aimerais toucher éventuellement. Est-ce que je peux? Ah, entre femmes, oui. Entre femmes, vous pouvez. Ça me ferait plaisir. Bah, demandez à Sandro, madame. Non, mais il y a des auditrices dans le public, j'ai vu, donc. Ah, tu vas les ouais, mais je peux leur demander si elle ouais, veut bien. Vous savez, je respecte la loi. Hein, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah, tant pis. Elle veut pas, madame, je suis désolé. Hein. Bon, et puis derrière Papa Winehouse, oui, au revoir, madame. On a rajouté en disant qu'ils ne savaient pas combien ils avaient coûté parce qu'ils n'avaient pas eu à les payer. Donc, heureusement donc, que c'est pas voilà, ton père qui a payé des nichons, quand même. Donc sympa. Hein. Oui, encore heureux. En Italie, c'est lui qui gère ses finances, comme elle est ouais, complètement ouais, charmée. En Italie, les meufs. C'est Berlusconi qui paye à toutes les meufs. Non, à 18 ans, quand. Enfin, à 18 ans, enfin, bref, quand ils ont leur bac. Tard, leur bac italien, ça s'appelle le bacchi. Le bacchi. C'est pas vrai. Comme c'est faux. Comme récompense, elle demande souvent avoir une fausse paire de seins. Ouais. C'est vrai? Mmh. Elles ont vraiment un grand. Ouais. Ah, c'est un très très joli cadeau pour Noël. Bah écoute, pourquoi pas, ouais, à Noël, je sais pas quoi offrir. Hop! Qu'est-ce que tu veux, ma chérie, pour Noël? Ah, ben bah, une paire de seins, papa. Bah oui, t'offres des nibards. Ça coûte cher en plus. Ah, hein. Ouais, ça coûte cher. Hein. Te fais pas chier, t'offres des nibards, à la faire replier quand même. Bon, on parle dans un instant du sida, donc avec Stéphanie qui voulait réagir. Et puis, bah, restez bien là. On va reparler de OM Paris. On avait dit que, allez, Paris. On avait dit qu'à peu près toutes les heures on allait vous faire écouter un peu l'ambiance qu'il y avait au niveau des entre les supporters entre les supporters exactement. On peut faire un tour maintenant du côté de OM Paris ou pas? Allez. On va dans un bistrot. Allez, on va dans un bistrot, c'est parti. Ah les gars, vous avez bien un point commun quand même. Alors là, franchement, non, je veux pas, mais franchement, non, je crois pas, hein. Un point commun avec ces paysans là? Ça va pas ou quoi? Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Tu vas pas commencer avec les paysans, je te le dis tout de suite. Ah bon? Mino, c'est pas parce qu'on habite pas ta ville de Bobo là qui se la raconte qu'on est des paysans. Est-ce que c'est bien compris? Ah d'accord. Et comment il s'appelle votre entraîneur? Notre maître à tous, Dédé Ladèche, Didier Deschamps. Deschamps? Et c'est pas un nom de paysan ça, Deschamps? Paysan, paysan, paysan. Enfin, comment il parle de la dèche? Oh mais tu es fadant ou quoi? Oh allez, boulez-moi d'ici là avant que je mette colère. Bah, calmez-vous les gars, cherchez bien, il y a forcément quelque chose qui vous rassemble. Je sais pas moi, les fumigènes. Bah tiens, tous les deux, c'est quand la dernière fois que vous avez été champion de France? Oh, t'as parlé à toi? Non mais pour qui il se prend lui? On est là en train de discuter football. Entre amis? Et tu viens nous emboucaner là? Ah tu veux faire le béo? Ah c'est ça? Allez viens va paysan, viens viens, t'énerve pas, on s'arrache d'ici. Vas-y je te suis enculé. Eh bah ça promet. C'est bien parti. Ah, c'est eh bah ça promet. Par contre, Paris. Apparemment le boucher il est en galère, il cumule les jobs, il est aussi dans le bistrot. Ouais bah ouais mais tu sais parfois t'as la boucherie puis t'as le café à côté. Hein, au Portugal ça arrive souvent. Travailler plus pour gagner plus. Exactement ouais. Tout à l'heure le gros match. On va le faire avant l'heure, OM Paris. Et bah si vous voulez choper la PS3 et surtout le nouveau jeu PES 2010 qui est sorti depuis hier, retour aux sources. Et ben bah n'hésitez pas à vous inscrire à hein, 612, débutez le message par Mickaël, puis vous mettez PES avec prénom, âge et numéro de téléphone. Il suffira de choisir quelqu'un dans l'équipe. On va vous représenter comme le QPR. Ouais. Et puis bah on va jouer et puis on verra que le meilleur gagne. Ah oui, bah. OM Paris. Hein. Ticaro. Non, parce que j'étais en train de réfléchir sur que le meilleur gagne. Oui, oui, bah que le meilleur gagne. Ouais. Mickaël, le podcast. Bon, Stéphanie qui est là maintenant, 26 ans. Bonsoir, Steph. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, Steph. Bon alors, tu voulais réagir par rapport au SIDA, toi, donc comment ça se passe? Tu voulais nous raconter quoi? Dis-nous tout, on t'écoute. Ben moi, je voulais vous dire déjà que ben, le virus du SIDA, pour se déclarer, ben, il met un délai de 3 mois. Oui, effectivement, ouais. Donc c'est bien beau quand on a un doute d'aller faire un test, mais si c'est avant les 3 mois, ça sert à rien. Mm-hmm. Parce c'est que mieux du que coup, rien, quand même. Ouais, c'est mieux que rien, d'accord, mais le virus il est pas déclaré, donc après tu te dis oui bon bah c'est pas grave, tu refais les mêmes conneries avec d'autres, mais c'est là où tu le transmets. Bah, ça a changé, ça, cette période-là elle a changé. Donc en fait avant t'avais un rapport à risque, tu devais attendre 3 mois avant d'aller faire ton dépistage, maintenant c'est passé à 1 mois. Ouais, bon, enfin bon, disons que techniquement en fait quand vous allez faire votre test, il faut attendre 1 mois. Après vous refaites un test et si vous à ce moment-là vous n'avez rien alors que vous n'avez pas eu de rapport à risque pendant ce mois-là, bah justement à ce moment-là vous êtes tranquille, vous êtes sûr de ne rien avoir. Mais c'est clair que si vous avez un rapport à risque ce soir, vous allez faire un test demain, bah vous allez être négatif et pourtant vous serez peut-être positif. Ouais, mais ça coûte rien quand tu vas faire une prise de sang de vérifier quand même, parce que si le délai est dépassé de toute façon évidemment. Ah mais ça, je dis pas que c'est pas bien de pas le faire, au contraire c'est très bien, mais au-delà des délais, après si tu le fais avant ça sert à rien quoi. Mais oui, c'est sûr, mais bon, t'as déjà eu un rapport à risque et t'as eu tu sais les boules de ta vie là en te disant putain, et là t'es dans la merde parce que tu dis mais qu'est-ce que je suis un con, alors j'ai fait de la merde et aujourd'hui je risque peut-être ma vie parce que j'ai fait de la merde. Non, sortez couvert. Ouais, non, mais bien sûr, mais tu sais, parfois tu peux avoir une capote qui craque ou avoir, tu sais, comme. Bah, j'ai eu cette chance, écoute, ça n'est jamais arrivé. Bon, bah tant mieux. Et tu sais, parfois tu peux aussi te dire, bon, bah voilà, bon, ça m'est jamais arrivé non plus parce qu'il y a un moment, franchement, je peux avoir une bombe de meuf. Si j'ai pas les, enfin je le ferai pas. Alors ça c'est, ah ouais, je vais le regretter. J'ai trop peur. Ouais, je vais le regretter. Façon de parler en disant merde, ça se trouve je l'aurais plus deux fois cette occasion. Mais à côté de ça, je préfère ne pas avoir l'occasion. Une petite pipe au moins quoi. Mais non, même pas, parce que c'est non mais c'est dangereux aussi hein. Bah ouais. C'est moins dangereux mais ça reste. Il y a des risques, il y a peu de risques j'avoue, mais il y a des risques quand même. Et je suis tellement parano moi, non. Mmh. C'est-à-dire que moi dès que j'ai mal à un doigt, je suis au bord de la mort. Ouais, t'as un cancer toi. Non, n'abusons pas, mais non, c'est toi qui abuses, c'est pas moi. Non mais c'est toi qui es en train d'abuser là, tu me fais passer pour un gobel. Bon d'accord, bah non. Allez sur le site amical.fm et allez voir l'expression du jour qu'on avait faite l'année dernière, tourner autour du pot. Mais j'étais presque mort. Oh, bah, ouais, bah voilà, donc mais c'est oui, toi qui exagères, c'est bien. J'étais dit. Blessé, je crois que j'ai encore la cicatrice. La cicatrice, t'as rien du tout, t'as vu les gratinures. Attends, c'était où là, à gauche, on aurait-tu plus. On croirait le mec qui a été à la guerre et qui a le bras tranché. Mais j'avais encore la cicatrice, je te dis. D'ailleurs, on refera l'expression du jour tout à l'heure, là, restez bien là. Mais en tout cas, allez quand même voir cette expression, donc tourner autour du pot, parce que Mickaël, il se ramasse la tronche, mais ça mourir de rire. Vous allez surtout vous taper des barres de rire. Non, mais c'était complètement dingue. Fanfaronne, ça n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Bref. Bon, et donc Stéphanie, donc toi tu voulais passer le message de sortir couvert. Oui, alors évidemment, ouais, c'est un bon message. Oui, vas-y. Non, je disais par contre maintenant ils font des capotes aussi pour femmes, donc à la rigueur, voilà, au pire. Mais est-ce que tu as déjà essayé les capotes pour femmes? Ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier. Ouais. C'est difficile à mettre. C'est un concept, hein. C'est difficile à mettre et puis en plus tu sais quand t'es encore. Maintenant ça va, c'est une question d'habitude, mais la capote pour mec encore ça va, tu sais, t'es dans le feu de l'action, tu peux vite la mettre, tout ça, c'est pas ça va, tu vois, c'est, tu dois pas faire une pause. Mais la capote pour meuf, t'es quand même obligé de dire bon bah écoute, bon on fait une pause, bah reviens dans une heure et on va pouvoir y aller quoi, tu vois. Une pause le temps que j'installe le truc en fait. Ouais, voilà, ouais. Fais une pause le temps que j'installe le plein sapin. Ça t'est déjà arrivé alors, Sandro? Non. Mais t'as jamais mis une capote féminine? Non, je préfère la capote masculine. Eh bien, très bien, nous allons essayer ce soir. Non, mais ouais, en fait, la capote féminine, ça ressemble un peu au sachet hygiénique que t'as parfois dans les chiottes. Ça, bah, ça ressemble surtout à un sac poubelle. Ça ressemble à une tente quechua. Voilà, un vieux sac supermarché, ouais. Et le pire, c'est quand tu dois passer le test, parce qu'en fait, t'as deux anneaux. T'as un anneau qui se met autour du vagin pour que l'espèce de capote rentre pas jusqu'à l'intérieur, puis t'en as un autre qui se met tout au fond du vagin. Et voilà, donc en fait tu dois d'abord faire passer le petit anneau qui va aller se mettre au fond et après tu mets le grand autour. Et donc c'est horrible. Tu as testé toi? Oui, j'ai testé. Bien sûr, et alors tu as aimé? Non. Non, parce qu'en plus le je peux être un peu gore là ou pas? Oh oui, vas-y. Mets-lui dans le cul. Non, mais non, ça se met pas dans le cul. Donc en fait quand tu le retires, donc forcément comme c'est pas une capote, tu l'as pas sur le gland, c'est forcément t'as tout le sperme qui recoule. Et oui, j'avais prévenu que je serais un peu gore. Bon appétit, bien sûr. Yeah, mais si t'es futé, tu fais comme un ballon. Enfin, tu parles à toff là. Avant de le sortir, tu fais comme un ballon, tu fais je sais pas un petit nœud et puis tu tires. Bah non, tu peux pas. Tu peux pas, il y a un anneau. Ah bah oui. Je visualise pas le... Et en fait, t'as un, parce que pour que ça rentre pas à l'intérieur du vagin, t'as un grand anneau comme ça qui se met tout autour de la chatte. Et ceux qui ont une grosse... des grosses vulve. Parties. Non mais non, pas vulve, elle est chez les mecs. Ah pardon. Que, non mais attends, mais c'est sur Alice. L'autre il dit de la chatte directement. Et l'autre il dit oui, alors ceux qui ont une grosse partie Oui, tout à fait. C'est pour équilibrer. Mais voilà. Oui, mais enfin, il y a un moment on n'équilibre pas, hein. Bon, tu veux que je parle non, avec allez, les mots. Bon, allez, vas-y, quand quoi. Quand t'as une grosse bite, enfin, vraiment large, et apparemment, tu peux aussi couper l'anneau du préservatif vaginal. En fait, tu te le colles sur le steak et... ça, c'est horrible. Non, pas votre steak à vous, les filles, le nôtre. Non, mais même ça. Tu te colles sur le truc et en fait. Bout de viande, là. Surtout que c'est le chipolata et c'est pas voilà. Oh. En fait, quand tu fais les allers-retours, après, effectivement, ça colle, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. C'était le moment de l'amour de l'émission. Merci pour toutes ces précisions, les gars. Ah, bah oui, mais c'est surtout grâce aux roues, hein. On se sent mieux maintenant. Ah ouais, là, tout de suite, on a l'impression d'avoir. Une petite info people, là, pour. C'était important, je pense, de dédramatiser le préservatif féminin. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais c'est allez, vrai que c'est... ça, c'est fait. Merci, Roux. Au revoir, Roux. Non, mais c'est vrai que c'est particulièrement tiens, horrible. Tiens, la PS3. Jouer. C'est particulièrement horrible. Que de la merde. Non, mais c'est vrai que c'est particulièrement horrible, ce préservatif féminin. T'as quand même l'impression de taper un sac plastique quand. Oui, c'est. Tu l'as fait avec? Non, mais je vois le bruit, quoi, tu vois. Oui. Mais faut mettre de la musique. Et d'ailleurs, est-ce que t'as essayé avec un sac? Bah comme ça t'entends pas le bruit. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bête ou quoi? Oui, mais moi j'ai pas besoin de mettre de musique. Parce bah que non, lui il joue à PES. Oui, bah c'est pratique. Ça lui permet d'oublier le sac en plastique. C'est ça, ouais. Bon, bah merci Stéphanie. Non mais j'ai pas fini. Hein. Ah bah vas-y, continue alors, Josiane. Non mais il y a aussi des jeunes qui ont honte d'aller acheter des capotes. Ouais. Donc ils disent, bon bah c'est pas grave, il y a pas très peu de risques. Mais bon, le risque il est là quand même. Et t'as les personnes mariées qui se disent bon c'est pas grave, c'est une fois, bon voilà, et puis bon bah il y a un risque quand même, après ça craint pour la femme quoi. Bah bien sûr, mais ça c'est clair, hein. Mais après ça peut, enfin je veux dire, parce que c'est bien de dire oui, les mecs parfois ils ont peur, et les mecs parfois ils font pas, les mecs parfois si, les meufs peuvent y aller aussi, hein, chercher les capotes, hein. Bah moi j'en ai à la maison, hein. Non mais tant mieux. J'ai pas honte de le dire, hein. Je te fais pas de reproche à toi, je dis juste que il faut pas toujours dire ah oui mais j'ai couché sans capote, bah c'est normal, il n'avait pas. Il a pas été cherché. Mais... Tant pis pour lui, bah non idiot, parce que toi aussi tu laisses ta vie. Après la fille c'est à elle de dire bah non écoute, il y en a pas, tu en fais rien, et voilà. Puis voilà. Mais après, si elle prend le risque, tant pis pour elle aussi, quoi. Ah oui, bah si elle prend le risque, effectivement. Mais là, pour la peine, c'est dans les deux cas qui sont bêtes, hein, si je puis me permettre. Hein. Bah après, ils prennent leur responsabilité. Hein. Ouais, oui, exactement, ouais. Mais voilà. Si t'as des gens qui apprennent qui ont le sida, et pour se venger, et ben ils vont le coucher à droite à gauche. Non, mais ça, c'est vraiment des enculés, par contre. Hein. Ouais, mais non, mais ça arrive aussi. Mais il y a un mec qui avait été condamné pour ça. C'est puni par la loi, ouais. Maintenant, ouais. Heureusement, d'ailleurs. Ouais, mais heureusement. Oui, non, mais heureusement, d'accord, mais je le dis, parce que c'est vrai, il y en a qui le font. Non mais ouais, ça arrive, sûr. Mais bien sûr, après t'as les gros vénères qui le font, hein, c'est clair. Et après t'as les trous du cul aussi, parce que j'y vais, hein. Mais c'est dans les supermarchés ou même dans les pharmacies, tu vois que le mec il est un peu timide, il a un peu peur, il va chercher sa première boîte de capote. Les pharmaciens, ouais. Thérèse, c'est combien la boîte de 12 de capote? c'était 2 ou 3 euros, hein. Et le pauvre qui essaie d'être discret. C'est ça, et l'autre il est là, il ose pas. Mais il va vendre dans le bureau de tabac maintenant. De quoi? Ils en vendent au bureau de tabac maintenant, c'est 1€ les 5. Ah ça va, c'est... Ouais, dans les stations-service aussi. Ah, du temps, du roux, c'était plus cher. Ah, c'était très cher. Non mais j'ai vu ça au bureau de tabac dans la semaine, ils en vendent au bureau de tabac, c'est 1€ les 5 capotes. Ah bah ça va, c'est encore... C'est 1€ les 5, ça doit pas être de... Et tu me mettras... C'est Entrevue et Solidaire qui font ça, je crois. D'accord, de toute façon, elles sont toutes homologuées, il n'y a pas de façon, en France, en tout cas, t'as pas des capotes même, de meilleure qualité. Il y a quand même différentes qualités. Oui, t'as différents goûts, t'as différentes formes, t'as différents modèles. Non, qualité, vraiment. Quoi. Il y en a qui arrivent à répondre à certaines normes quand même. T'as de toute façon des normes, ouais. En fait, c'est ça, t'as une norme minimale, mais t'en as qui sont largement au-dessus des autres. Tout à fait. Bon, ouais, mais l'essentiel, c'est d'avoir la norme. Bien ouais, moi, j'en ai une énorme, par contre, par exemple. On s'en fout. Bah écoute, prouve-le, hein, y a des gens qui pourront... Allez, merci. C'est très sympa de me mettre face à mes conneries. Ils pourront dire si c'est vrai ou pas. Bon Stéphanie, je te fais des gros bisous. Bisous. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt Steph. Ça marche, à bientôt. Ciao, je te repasse Micha avec sa bête tête de casquette là. Une tête de casquette. Et casquette. Une bête tête de con là. Pire que d'habitude. Hein. Un petit castor. Hein. Ouais. C'est mignon comme ça Micha. Un castor. Micha qui travaille très bien ce soir. Non. Non, c'est parce qu'on lui a coupé son micro et qu'il parle pas. Voilà, c'est ça exactement, parce qu'il a passé quand même 20 minutes à courir dans tous les couloirs parce qu'il avait peur qu'on lui mette une claque. Donc je veux dire, ça va quoi. On t'entend mal, Micha. Oui, mais c'est volontaire. Mon micro est pas allumé. Mais attends, oh. Ah, ça peut durer 1000 ans par contre. Voilà. Mais ça tombe bien, on va s'arrêter là. Michael, le podcast. Et puis, le chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Elsa qui est là, 26 ans. Bonsoir Elsa. Bonsoir Mike. Comment ça va? Ça va bien? Bah écoute, tant mieux. Bienvenue à toi, Elsa. Alors, on va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu? Ouais. Ben, très bien. Qui allons-nous appeler? Ton mec, forcément, mais comment s'appelle-t-il? Laurent. D'accord, très bien. T'as vécu depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans? Bon, bah très bien. Parfait. On va l'appeler. Ça va être quoi l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que j'ai pas de bol, comme beaucoup de gonzesses. C'est mon mec qui est complètement fan de foot. Ah, c'est, ouais. Vraiment, ah, c'est bon ça. Ouais, sans gros, c'est de quoi tu parles? Plus. De quoi? Du foot. Mais de foot. Ah oui, oui. Non, pas d'euro. Donc, d'accord. Et, okay. Et alors voilà, donc je voulais dire que en fait, j'ai fait cocu avec le nouveau gars qui vient d'intégrer son équipe et en fait qui du fout la honte parce que voilà, c'est marrant, le nouveau gars qui vient d'intégrer son équipe, ça va être compliqué parce que s'il le connaît tout ça, non? Ah oui, c'est pas. Mais non, pas parce qu'il l'aime pas, parce que si tu veux, avant c'était lui la petite star dans. Oui, mais il le connaît. Merde, là. Ils se connaissent entre eux. Ouais, enfin là, il va reconnaître sa voix, ça va pas être son style, ses mots, etc. Bah, c'est juste que j'ai peur que ça foire, du coup, non? Amit, on peut peut-être éventuellement faire ça avec un autre footeux, je sais pas. Ouais, c'est ça, tu as rencontré un footballeur de l'équipe adverse. Ouais, voilà, je sais pas, ouais. Ça passera mieux. Ouais, équipe adverse, on s'en fout, mais un footballeur tout court. Non. Un footballeur d'une grande équipe. Comme ça va le foutre vénère, parce que lui il est un petit club, il a un petit club de bas. Non mais attends, quand je dis grande équipe, tu peux être le remplaçant du PSG, voilà. Je connais rien. Non mais bah ça sera parfait. Bon, t'es où? Ah bah t'es en Paris, en plus c'est parfait. Ouais. Donc allez l'OM. Eh bah c'est Leroux qui va faire le jeu. Je connais rien, je donne quoi comme nom alors? Bah je sais pas, comment tu peux t'appeler Roux. Pas moi. Non mais il s'y connaît bien en foot ou pas? Ah bah oui, non, il est complètement drogué, quoi. Un remplaçant. Mais ça va pas être crédible, le mec il est à Marseille et tout, il va dire ouais c'est ça. Elle va passer 10 minutes à devoir justifier en disant mais si, je te jure. Ça va mais pas... non, on vient de te dire, elle est à Paris et t'es censé être un remplaçant du PSG. Ah oui, il est à Marseille, ouais. Oui. Et non, mais faites un mec voilà. Qui fait du foot aussi, voilà. Bon, un mec qui fait du foot, toi. Il est hyper nerveux, donc je suis même pas sûr qu'il fasse gaffe à la voix, ouais, franchement. Il joue quel poste, ton pote? Ton mec? J'en sais rien, il est devant. Il est devant. Il est devant. Le banc. Bah tu lui demanderas toi, enfin bah, il va jouer devant. Non, mais c'est pour préparer. Ouais, c'est pour préparer. Bah, je suis vraiment une brêle en foule, j'ai horreur de ça. Mais bon, on a vu ça, oui. Bon, c'est pas grave. Allez, on va y aller cash, on va se démerder. Le Roux fait partie d'une équipe de foot et puis on verra bien ce qu'il pose comme question. On verra super. Bien. Un Roux. Ouais, super. Un Roux. T'envoies une casse-pipe là. Hein. Mais oui, c'est pour ça que je te demande de le faire. Allez, c'est parti, on y va. Au plus tu le vénères, au plus t'as chance de repartir avec les cadeaux. Bien sûr, il ne faut pas qu'il se mette à pleurer, mais si c'est un show, ça ne devrait pas arriver. Allô? Allô? Oui. Laurent? Ça va, chérie? Oui, toi? Ouais, ça va, tranquille. Il a pas la voix. Ça va, tranquille, c'est pas de bien? Il a pas la voix. Ouais, bah ouais, on était allé se balader, on était faire un tour, là. Super. Donc, tranquillou. Je t'appelle parce que j'ai des petits remords. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, tu sais, tu me gaves avec ton foot. Enfin, tu le sais, enfin, j'ai juste banassé et voilà. Ouais, je sais. Sauf que là, le jour, tu m'as vraiment énervé en fait, quand tu m'as envoyé chez mes copines. Ouais. Et, vas-y, comment dire? Bah, j'ai décidé de me venger à ma manière, c'est-à-dire que... je t'ai fait cocu. Pardon? Avec... un autre joueur. Attends, tu te fous de ma gueule, là, j'espère. Merde, on a pas trouvé un autre, quoi. J'espère, franchement, tu te fous de ma gueule, là. Non. Mais, tu rigoles ou quoi, là? Tu te fous de qui, là? J'espère non, que c'est une blague, là, sérieux. Mais, non, j'en avais vraiment marre. T'as quand même été super désagréable avec moi. Tu m'emmerdes avec ce sport que je supporte pas. Enfin, même pas un sport, parce que je veux dire, il court à moitié en jupette. Donc, Non, mais attends, tu te fous de ma gueule, là, j'espère. Non, mais en fait, ça m'a fait du bien sur le coup, je t'avoue. Mais ouais, quand on l'air à quelque chose, ça te fait du bien, c'est ça? Mais oui. Ouais, parce que. Tu pris pour quoi alors? Mais écoute, il est sportif, donc fatalement, il est endurant. C'est pas comme c'est ça, c'est une équipe de merde amateur. C'est une meilleure équipe. Enfin, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit, mais c'est. T'es jamais plein pourtant. T'es jamais plein pourtant ton niveau endurance ou les deux. Bah. Bon. C'est-à-dire que j'ai pas envie de te vexer non plus, quoi. Non mais attends, tu te fous de ma gueule là. Non mais attends, faut arrêter là tes conneries. Mais j'en ai besoin, voilà, franchement ça m'a fait du allez, bien. Ciao. Il a raccroché direct. Ah, il est déjà parti. Et il est vexé. Il est déjà parti, oui, effectivement. Tu t'es jamais plaint pourtant. Hein? Tu t'es jamais plaint. Je voulais pas le vexer. Non, mais après, tu peux y aller, hein, franco de port. Hein. Franco de port. Ouais. C'est sexy. C'est pas beau. Il a pas une super bonne mémoire, donc j'en profite. D'accord. Bon, on le rappelle, et puis Leroux sera derrière, bien évidemment. Grand joueur football. Ouais, je veux dire, je joue à Créteil. Exactement, ouais. Bon, et pour le bébé. Et, non. Et pour le vénérer encore plus, comme. Mais dis que t'es dans un centre de formation. Non, non, attends. Comme il est de Paris, pour le vénérer encore plus, je propose que Leroux dise qu'il est fan du PSG. De l'OM. Ouais, ouais, il est à Marseille, le gars. Mais non, il est pas à Marseille. Non, il est à Marseille, il est en week-end à Marseille avec des potes, mais on vit tous les deux à Paris dans le 20e. Ah d'accord, ok, donc lui... Ah, voilà, donc toi t'es à Fontainebleau, là, dans le centre de formation. Il y en a un. De Fontainebleau. Ouais. Ah non, c'est la forêt. Oui. Il n'y a pas un centre de formation. C'est Clairefontaine. Clairefontaine. Si, c'est un centre de formation, mais pour les pauvres. Voilà, c'est ça. Ouais, le centre dans la forêt. C'est ça, de Fontainebleau. Non, parce que normalement, à son âge, t'es plus à Clairefontaine. Oui, enfin bon, allez, on chipote pas. Ah bah oui, mais on s'y connaît. Alors, allez, roue, fonce. Eh ben, tu dis que tu t'entraînes dans la forêt. Allô. Ouais, c'est moi. Ouais, pourquoi tu me raccroches comme ça au nez, ça va aller? Mais attends, tu te fous de ma gueule là, j'espère. Mais non, c'est toi, attends, non, mais tu prends pour qui? Enfin, c'est là, j'ai au moins l'honnêteté de te dire des choses, puis tu me raccroches à la gueule. Attends, tu me fais cocu, tu me le dis pas. Mais si je te le dis, je t'appelle pour ça. Non, mais attends, t'as pas honte? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et tu me fais ça au bout de 2 ans? Écoute, ça fait 2 ans que je supporte ton foot là. Attends, mais faut le dire autrement. C'est beuvré du troisième mi-temps, tu crois pas que j'en ai marre aussi? Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu te fous de moi ou quoi? Non, mais attends. Tu joues quoi, la salope de première ou quoi là? Elsa. Je suis pas la salope, attends, c'est un one shot, c'est bon, là c'est Elsa. Bon, ça m'a défoulé. Et c'est qui le gros PD qui discute à côté de toi? Elsa. Ben Elsa. J'ai besoin de te foutre. Oui, attends. Mais que je te parle, tu attends, c'est qui ce gros PD là, qui est à côté là? Bah attends, je te le passe. Allô. Qui t'es toi d'abord là? Allô, qui c'est? À ton avis, je suis son mec. Alors, je sais toi, pas, on fait un jeu là? Non, écoute, t'es un espèce de petit con comme ça, tu dégages, mais d'accord? Quoi? Bah, laisse tranquille, tu dégages. Non, bah écoute, je sais pas qui tu es, bah présente-toi déjà. Moi je suis son mec, d'accord? T'es son mec? Ouais, exactement. Bah on a un problème parce qu'on est deux alors. Ah bah toi tu vas dégager, mais vite fait en plus. Non, je vais pas dégager. Ah si, ah, je te promets, non, tu vas dégager. Vite fait. Techniquement, je suis chez elle, donc je vais pas dégager tout de suite. Écoute, si je débarque dans 2 minutes, à mon avis, t'es mal. Et tu sais d'accord où on est? Ok. Ouais, tu me fais pas peur, laisse tomber. Écoute, ferme ta gueule. Non, mais tu me fais pas peur. Non, tu fermes ta gueule. Tu me fais pas peur, tu me fais pas peur. Nanana. Écoute, si tu fais du gros PD comme ça, tu fermes ta gueule, d'accord, et tu dégages en plus. Non, tu vas faire quoi? Parce que ta voix de tapette, en plus, ça fait grave, là. Tu vas faire quoi? Parce que je vais pas partir. On verra si tu vas pas partir. Je vais me la taper, et après, je partirai. Non seulement après, mais moi, je te défonce après aussi, d'accord? Ouais, tu vas me retrouver avec un GPS, tu vas faire comment? T'inquiète pas, je te retrouverai. Non. C'est ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut, t'as quoi, dis-moi? C'est ce qu'il faut pour te retrouver, t'inquiète pas. Bon, allez, arrête de me raconter ta vie, qu'est-ce que tu lui veux, dis-moi une bonne fois pour toutes et tu raccroches. Toi, tu dégages, d'accord? Non, tu te répètes un petit peu là, je te dis, je vais rester là pour l'instant, je t'assure. Elle fait bien bouffer. Tu vas voir que tu as... Il n'y a pas qu'à bouffer. Longtemps. Mais tu vas rien faire, arrête. En plus, t'es en week-end à 800 km d'ici, qu'est-ce que tu parles? Dans 3 heures, je peux être là, d'accord? Dans 3 heures, que tu fais comment? Tu viens en jet privé? T'occupes. Non, mais alors, ta voix de PD, tu dégages maintenant. T'es à Marseille là. Allô. Allô. Ah bah il est parti. Il a raccroché. J'aime bien. Tu dégages. Je vais arriver. Tu dégages. Il raccroche. Bon, il est sa place. Moi c'est qu'on a une pauvre petite Clio quoi. Donc il est 33 heures. Enfin bon bref. Ah oui. Bah Marseille Paris. Je suis sûr qu'il va pas y arriver. Effectivement ouais. Bon, on va le rappeler hein. Vas-y. Ben ouais. Il a l'air tendu du string là. Qu'est-ce que tu fais par exemple au pieu que qu'est-ce que tu fais mal? Rien. Non, genre, oh là, c'est la femme parfaite. C'est ça, je suis super. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais pas avec lui? Non. Tu as tout fait donc. Bon, d'accord, donc tu es une grosse cochonne, voilà. C'est ça que tu veux ça. Nous dire. Mais ça m'intéresse. Mais oui. Elle ne voulait pas te le dire, mais elle l'a pensé. Combien mesures-tu? On n'a pas le temps, Toff. Mais si, on a le temps. Combien mesures-tu? Non, on n'a pas le temps. Mais si, alors combien? Non. Alors tu mesures combien? 1m63. Combien pèses-tu? 52. Quel est ton tour de poitrine? Non, non, c'est... Combien? 97. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Tu as les mêmes origines que Toff, c'est bien avec nous. Ouais, c'est parfait, on pourra partager tout ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. 38, c'est pas. Mais oui, mais très bien, je vais venir te mettre une petite cartouche ce soir. Mais oui, dans le 20e, on parlera de la reine et du royaume. Mais oui, c'est à côté de chez moi en plus. Oui, en plus, oui, je viens ainsi de Bruxelles. Très bien, mais oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Moi-même, je pourrais éventuellement te faire l'amour en faisant des frites. Toi aussi, mais tu fais tes courses aux trois Suisses. Comme la reine. Bah non, là, pour l'instant, non, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Mais c'est quoi, vous allez raconter votre vie encore longtemps, là? Roux, ça va, alors ça y est, t'es, calmer, t'es, t'es à fond, là. Oh là là. C'est parce qu'il va perdre la main sur le canular. Ça y est, elle est demandée, là. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on y retourne, on rappelle. Eh, tu rappelles-toi, hein, Roux, tu dis que t'es vénère, tout ça, on y va. Allô? Allô? Ouais, qui est encore là, toi? Ouais, oui, qui est encore là? C'est moi. Ouais, mais toi, tu vas te dégager. Comment? Tu vas pas me le répéter 50 fois, c'est bon. Non, mais attends, pour qui tu te prends d'être chez ma meuf comme ça et tout? Non, mais oh. Pardon, j'ai pas entendu. Exprime-toi bien, articule. Fais un effort parce que là, ça va pas. T'es chez ma meuf, tu débarques comme ça? Et puis quoi? Qui encore je prends? Ta meuf. Ouais, mais toi, tu vas te prendre autre chose tout à l'heure. Elle repasse bien, elle cuisine bien. Et qu'est-ce qu'elle suce bien? Ça te prend mon poing dans la gueule, tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive, mon pauvre. Non, effectivement, j'ai rien compris. Bah tu vas voir, tu vas te prendre mon poing dans la gueule tout à l'heure. Oui. T'es un gros PD, t'as une voix de PD en plus, d'accord? Oui. Alors maintenant tu dégages. Bon, tu vas venir quand? Parce que t'es à Marseille, non? Oui, alors. Ouais, et tu vas venir en jet privé, en hélico? T'inquiète pas, je me démerde. Non mais tu te démerdes, mais si tu veux, je veux bien me t'aider, parce qu'en 3 heures de faire Marseille-Paris, c'est pas possible. T'occupe pas. Bon écoute, t'es un petit peu relou, donc là comme elle était en train de commencer à nettoyer ma voiture. Ouais, moi je nettoie ta gueule, d'accord? Oui, d'accord. Et donc elle va venir nettoyer ma voiture, elle va bien se frotter, tu sais, avec les nichons là. Oh Johnny, t'as fini au téléphone? Ouais, vas-y, non, m'appelle pas comme ça devant les gens. Bah c'est ton prénom, mec. Mais non, je m'appelle pas Johnny, qui est sur. Bah si, t'appelles Johnny. Non. Bon, t'as fini au téléphone ou pas là? Bah là, attends, je suis avec un boulet là. Aussi à côté. Oh putain, vas-y, raccroche. Je suis avec l'ex, la nuit, tu sais, la meuf que je suis en train de tringler en ce moment là. Oh là là là là. Je suis avec son ex. Qu'est-ce qu'il veut là? Oh la moche là, en plus, comme mec, hein. Ouais, les drones. Oh là là, ça va, qu'est-ce qu'il veut là? Il dit qu'il va venir en 3 heures, mais je peux te dire qu'en 3 heures, je l'aurais baisé pas mal de fois déjà, ça va. Là, il est où? À Marseille. Oh, c'est une ville de con, hein. Ouais. Toi, le PD là-bas, tu dégages au fond. Laisse-le se bouler. J'ai acheté le nouveau PES. Ah bah très bien. Ah, on va faire ça. Ouais. On peut faire une partie. Bon bah. Vous êtes vraiment une bande de branleurs en plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est vraiment une bande de branleurs. Ouais, mais en fait, il se répète pas mal. Hein. Ouais, j'ai remarqué ça effectivement. Ouais. Bon bah, dis-lui qu'on le rappelle, hein, parce que là, on va faire une petite partie. On va te rappeler. On le rappelle dans 5 minutes. Je vais te rappeler ta tombe, ouais. Tu vas me rappeler ma tombe, ok. Bah, si t'as le numéro de téléphone de ma tombe, t'hésites pas à lui passer un petit coup de fil. Par contre, je suis pas sûr qu'elle est importable. Non, il est parti. Hop là, l'affaire est pliée. Elsa. Ouais. Il ne parle pas beaucoup, hein. Ouais. Il ne parle pas beaucoup. Il répète toujours la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, hein, Bah oui. Bon, on va le rappeler dans 2 minutes après la pub, là. On va lui parler de foot. Histoire de lui parler peut-être un peu de foot pour voir si ça marche mieux. Et puis sinon, on lui dira qu'il était en direct à la radio. Hein. Mais Roux, c'était moins drôle que d'habitude. Je crois que c'est le Roux qui est mauvais. Ouais, c'est possible. Michael, le podcast. Bon, on retourne sur le Chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Elsa et notre champion de foot, le Roux. Ouais. Allez, Marseille. Allez, Paris. Ouais, c'est ça. Bon, on le rappelle, Elsa, puisque c'est un footeux. Il était à Marseille pour, je suppose, le match. Avec des potes en week-end. D'accord, bah je suppose que c'est pour aller mater au MPSG qui a lieu ce dimanche soir au Vélodrome. Et on va le rappeler, hein, donc. Hein. Ouais, ok. Il avait l'air un petit peu tendu. On le rappelle un petit coup pour voir. Vous en chargez ou c'est moi qui... Oui, vas-y, parle, okay. Parle au début. Bah, comme tu veux. Non, vas-y. Un petit peu. Allô. Oui, Laurent. Oui. Mais c'est toujours moi. Bah, ce que je veux, qu'on ait une vraie conversation, quoi. C'est quoi, tu parles comme ça aux gens? T'es contente? Tu te fais tirer par quelqu'un d'autre? C'est bien? T'es contente? C'était un one shot, c'est bon. Quoi? C'était un one shot. J'ai dit, c'était une vengeance. Et alors, ça t'amuse? Bah, moi, sur le coup, ouais. Tu crois que ça t'amuse? Putain, franchement, t'es vraiment conne alors. Bah non, je te dis, voilà, attends, tu regardais ton match, tu m'as dit, bah c'est tes copines, là, et non. Attends, toi c'est le foot et moi je me tape tes beaux-parents tous les week-ends? Non mais attends, tu commences à me gonfler, sérieux. Non, mais attends, ma mère t'aime bien, c'est pas parce qu'elle sait pas le communiquer qu'elle t'aime pas. Quoi? T'es persuadé que ma mère t'aime pas, elle t'aime bien. Ouais, tu parles, ta mère m'a jamais supporté. Oh, demi-to, elle le déteste. Oh, on va pas parler des parents toute la soirée, là, hein, on a autre chose à foutre. En soi, le gros PD, tu fermes ta gueule, là-bas, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? T'as vu comment tu parles aux gens, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et alors, c'est ce qu'il est. Elsa, apparemment, sa mère a dit que c'est une baltringue. Bah attends, ça en plus, on va s'arranger tous les deux. Il y a beaucoup d'arrangements entre nous, là. Hein. Laurent, il y a beaucoup d'arrangements à faire. Attends, hein. Toi, tu fermes ta gueule, là, d'accord? Oh, tu me parles autrement, parce que sinon, je vais me fâcher. Fâche-toi, vas-y, j'attends ça. Fais attention. On va s'arranger. Ouais, on va s'arranger, fais attention, je te le dis direct. Parce qu'il va venir et tu vas voir. On va s'arranger. Dans le cul, t'as raison. On va s'arranger. On va s'arranger, fais attention. Tu vas te prendre un gros cut dans le cul, mon pauvre, tu vas t'enfiler, tu vas voir. Nous, on peut être à Marseille dans une demi-heure, là. Exactement, parce que... 20 minutes. Parce que j'ai une Citroën AX GT. Ah, on a du nitro dedans. Poubelle, ouais. Ça va voilà. Vite. Et qu'avec ça, j'arrive direct à Marseille, Paris-Marseille, plus vite que le TGV. C'est ça, t'as un vélo, tu te fais enfiler par la Saint-Lacelle, c'est ça ? Ouais, t'as raison, ouais. T'as des pratiques bizarres, hein, quand même. Hein. Enfin, ouais, moi, après, raison. Tu fais comme allez, tu veux. Mais c'est quand même bizarre comme pratique, hein. Oui, tu veux qu'on parle. Tu veux qu'on. Tu parle un peu football ? Ferme ta gueule et repasse-moi Elsa. Alors, oh là là, quelle vulgarité. Qu'est-ce que t'en penses du match de demain soir ? Après demain soir, tu vas te le prendre dans ton cul, tu vas voir. Ça fait beaucoup, 68 personnes dans le cul. Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France ? L'équipe de France est peut-être plus douée que toi déjà, c'est déjà pas mal. Oui, bah heureusement en même temps c'est pas le même domaine. C'est ça, ouais, tu crois qu'ils vont passer sans Ribéry ? De quoi tu parles ? Eh, foot ou pas foot ? Ribéry il est forfait pour le match de barrage. Ribéry t'encule, d'accord ? Ah lui aussi. Ah ça me fait chier parce que vraiment il est pas beau lui. Hein. Laurent, reste calme, oh là là, quelle vulgarité. T'es en direct à la radio sur Énergie, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Putain, je vous ai tué. Comment ? Je vais vous tuer l'équipe d'énergie. Ah, bah attends, encore une fois. Eh bah viens. Non mais il va tuer tout le monde. Même ouais, quand on lui dit que c'est une connerie, Elsa, il va quand même venir le tuer. Ah, on va s'arranger. Tu peux être à la radio dans moins d'une heure ? Elsa ? Oui ? T'es contente ? Ah bah nous, bah, oui. Écoute, hein. J'avais vraiment pensé à tuer, mais je trouvais plus drôle de le faire en blague. Non, parce que c'est attends. Juste ça ton problème, toi, il peut venir. Ah, moi, je peux être dans le 20ème pour moins d'une heure. Ouais, si c'est juste un problème d'hésitation, pas de problème. Hein. Non, il m'emmerde avec son truc, mais je l'aime, l'enfant. Oh, c'est moi qui l'aime. Mais moi aussi, je t'aime, Elsa. Oh, là, ils vont nous faire des petits ce soir. Bon, le public est content. Non, ils sont jaloux, c'est pas pareil. On va vous repasser Micha au standard, d'accord ? Ah, okay. Ok, ça roule. Salut à vous deux, à bientôt et bon week-end. À bientôt, bye bye. Ciao à vous. Et si vous voulez remettre le couvert la semaine prochaine, eh bien, n'hésitez pas à 612, débuté par Mickaël. Et puis, vous mettez Cocu ou GAV avec votre numéro de téléphone. Bon, 23h01. On est un peu labo, hein, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, voici le mag de ce vendredi 23 octobre 2009. L'essentiel de l'actu condensé, compacté, malaxé à notre sauce. C'est le mag du jour. Des milliers d'automobilistes ont pris le départ dès aujourd'hui pour les vacances de la Toussaint. Et ça va continuer tout le week-end, 450 motards CRS ont été appelés en renfort sur l'ensemble du territoire pour participer à des actions ciblées de sécurité routière. La journée de demain est classée orange. Oui, et ça c'est à cause de la pluie. Comment ça ? Bah oui, le sang sur la route mélangé à la pluie, bah ça devient orange. Donc voilà, il aurait fait beau la journée, demain dans la journée que la journée aurait été classée rouge. Ouais, bah en tout cas, faites gaffe sur les routes, hein. Rappelons qu'il s'agit quand même de la période la plus meurtrière de l'année. Oui, enfin, c'est pas pour rien que la Toussaint c'est devenu la fête des morts aussi. Même sur la route. Pouvoir choisir entre un garçon et une fille, la pratique est interdite en France, mais à l'étranger, des cliniques se sont spécialisées dans le business contestable des manipulations des embryons permettant de choisir le sexe de son futur enfant. Ouais, mais moi quand je vois Sandro, je suis totalement pour. Hein. Au moins ça empêchera les gens de donner naissance à une fille et de l'élever comme un garçon. Et toi Sandro, t'en penses quoi ? Si tu pouvais choisir le sexe, tu prendrais quoi ? Oh, un bon 22 cm. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on passe à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Quelle horreur ! Mais ce que peu de gens savent, c'est que le passage de l'heure d'hiver pardon, se fait chaque année depuis 1976 à Saint-Étienne, carré. Ouais, et que ce changement d'heure a été mis en place pour des raisons écologiques. Il doit en effet faire coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement saisonnier dans le but de réaliser des économies d'énergie. Et pour en parler, on a Monsieur Pendule au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Monsieur Pendule. Oui, bonsoir Monsieur Pendule. Oui, bonsoir. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, le nom de jeune fille de ma femme, c'est Aiguille. Autant dire qu'on s'est bien trouvé. Hein. Oui. Bah, c'était un nom prédestiné, hein, car vous êtes responsable d'une association d'horlogers. Exactement, Mickaël. Et je viens juste expliquer aux milliers de personnes qui vont encore me prendre la tête tout le week-end. Dimanche, c'est à 3h du matin que le changement d'heure aura lieu. Oui. Et qui vont gagner une heure de sommeil supplémentaire puisqu'il ne sera plus que 2h. Oui, mais ça, on le savait, Monsieur Pendule. Oui, mais peut-être, mais moi, j'en ai marre qu'on me téléphone jusqu'à 7h du mat pour me demander « Alors, on gagne une heure de plus ou une heure de moins ?» Moi, je veux dormir, vous comprenez ? Expliquez plus pour dormir plus, c'est mon credo. D'accord, ok, très bien. Merci, Monsieur Pendule. Au revoir. Au revoir. Il avait un très beau nom. Hein. Et il avait l'air un petit peu remonté, Monsieur Pendule. Un petit peu énervé. Monsieur Pendule, oui, un petit peu, ouais. Bon, remonté. Ouais, ouais, pendule. Ah, pas mal. Bravo. Allez, il est temps de passer au con du jour. Et le con de ce vendredi 23 octobre est soudanais, c'est ça? Ouais, c'est un con que tu vas aimer en fait, parce que ça se passe dans un avion. Ah, enfin, j'attends de voir ce qu'il a fait ton con là. En fait, le truc le plus con qu'on puisse faire dans un avion, eh ben, il l'a fait, il a essayé de le détourner. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de con à vouloir détourner un avion. Non, bah non, c'est pas con du tout. Non, c'est pas grave, c'est rien de grave. Non, surtout si tu fais ça avec des armes. Là, c'est pas con. Mais si t'essaies avec le couteau plastique de ton plateau. Ouais, il a essayé de braquer. De braquer, ouais. Il a voulu braquer un avion avec un couteau en plastique. Exactement. En fait, il était dans un avion qui faisait la liaison entre la Turquie et l'Égypte. Ouais. Sauf qu'il voulait aller à Jérusalem. Et le problème, c'est qu'avec son couteau en plastique, il a été maîtrisé en 2 secondes et remis à sa place. Heureusement, la compagnie a été cool et elle le poursuivra pas. Oh, bah ça, c'est gentil. C'est gentil de ta part, hein. Oui. Parce qu'ils auraient pu faire bien pire. C'est tout? Ouais. Plus d'informations, bah, très bien. J'ai, en avion, j'ai peut-être une petite info aussi au niveau des avions tout à l'heure. En attendant, sport, maintenant, un méchant virus est venu contrarier le déplacement du PSG dimanche à Marseille. En effet, ce n'est pas moins de 3 joueurs, Mamadou Sakho, Ludovic Juli et Jérémy Clément, qui ont contracté la grippe. Mais rassurez-vous, ce n'est pas la grippe A, mais la toute simple, hein, et une belle petite grippe. Hein. Ouais, j'espère que c'est pas avec cette excuse qu'ils vont justifier leur défaite à Marseille. Ah. Tu parles, le seul virus qu'ils ont chopé, c'est un cheval de Troie. C'est pour ça qu'il joue au ralenti. Ouais. Oh. Bah, la prochaine fois que vous essayez de l'année sur le PSG, essayez de trouver des meilleurs vannes. Et puis du football à la santé, il n'y a qu'un pas. Raymond Domenech a parrainé hier la pose de 5 défibrillateurs dans une résidence d'ici les Moulineaux. Oui, son objectif, acquérir 60 millions de défibrillateurs en prévision de la non-qualification de l'équipe de France pour le Mondial 2010. Le sélectionneur de l'équipe de France a expliqué son engagement. Les défibrillateurs sont des déclencheurs de lien social. Ils jouent un véritable rôle de rassembleur. Yeah, il a dit ça. Alors qu'en 98, c'est l'inverse. C'était le football qui était déclencheur de lien social et qui joue un rôle de rassembleur. Allez, passons au petit truc du jour, qui est un petit conseil beauté. Ça s'adresse surtout aux filles, mais également aux mecs, comme vous allez l'entendre dans un petit instant. Les jours où vous vous sentez fatigué, où vous sentez que vous avez des sacoches à la place des paupières et que vos yeux sont cernés par le manque de repos, allez dans votre boîte à pharmacie et utilisez votre crème pour les hémorroïdes. Et c'est très sérieux, hein, c'est un truc de professionnel, comme en témoigne Alexandre Astier, le héros de la série Kaamelott. Écoutez. Mais comment vous avez eu cette idée? Mais c'est pas moi, ce sont les maquilleurs professionnels qui m'ont dit tu vas te mettre de la crème pour hémorroïdes sous les yeux, tu verras ça brûle, c'est vrai, ça tire la peau, ce que je suppose que ça doit faire à Régine. Voilà. Et du coup ça marche temporairement, ça éclaire un peu le regard, paraît-il. Voilà. C'est un bon truc. Ah bah pourquoi c'est pas connu, hein. Ouais, moi je le savais. Ah bah tu vas pouvoir essayer sans doute. Bah j'ai pas de cernes. Non, mais par contre elle a des boutons. Non, c'est pas vrai, je n'en ai pas en moi. Ça veut dire par contre que t'as des hémorroïdes puisque t'as la crème qui va avec. Non, justement, j'ai jamais osé essayer. Ah très bien. La bon, crème. Sera, mais oui, il n'y a pas de problème. La crème sur les yeux. Bah oui. Bon, non, très bien, passons maintenant aux quiz people. Hein, les people ont dit des conneries en général et nous avons tout écouté. J'ai 23 ans et ce serait mentir de vous dire que le sexe ne me manque pas. Ah, c'est Jonathan de Secret Story. Bonne réponse. Pas mal. Après chien, bah l'annonce oui. De sa séparation avec Sabrina. Bah oui. C'est une bonne réponse. Ah bah le mec il devait être bien en chien quand tu même. Tu m'étonnes. Deuxième. Qui a dit « J'aime que les gens téléchargent ma musique parce que je me sens je plus proche aussi, des fans sais. Et des gens qui apprécient la musique ?» C'est une chanteuse. Ouais, c'est une meuf, une américaine. Oui. Non, c'est Shakira. Ah, Shakira, bonne réponse. Ouh. Sur Sky News au sujet du téléchargement illégal de sa musique. Voilà. Oui, elle est contente qu'on la télécharge. Mais oui. Ça doit bien être la seule. Hein. Bon, et la dernière, qui a dit Jean a pris une décision sage et courageuse, je suis fier de lui. Nicolas. Alexandra Lamy. Ça aurait pu, ouais. C'est vrai. Après le dépôt de plainte. Non. Ouais, bah, Louis pas... Sarkozy, le petit frère de 12 ans, déjà très lucide pour son non. âge. C'est le ministre, enfin, meufs du pouvoir. Carla Bruni Sarkozy. Non, un indice, roi de France. Ouais, bah Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Oui, ouais, on l'a Nicolas, dit. Oui, mais non, Nicolas, c'est quoi, ça veut dire quoi, Nicolas relou. Non, mais donnez au moins le nom. C'est vrai, ou ça aurait pu être le petit Nicolas. Oui, ou Nicolas Cage. Oui, ou bah, Nicolas n'importe qui, faut pas déconner. Donc il a dit ça sur son Facebook, parce que lui aussi, il peut parler pour ne rien dire à ses 170 000 amis. Ah quand même, attention. Hein. Il y a du monde dans les amis de Nico. Hein. Bon, et bah parfait, retour du Mac du jour, un autre jour, en l'occurrence lundi 21h. Michael, le podcast. Passons maintenant à l'expression du jour. Ah. L'expression du jour qui est donc tombée sur Toff. Hein. Oui. Oui. Ouais, par hasard. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. C'était le fruit du hasard, j'ai évidemment. Envie de dire. Tu n'as pas énormément de chance dans la vie. Ouais, non, c'est ça, voilà. Effectivement. Et donc, l'expression du jour, monsieur Roux, est la suivante. Reprendre du poil de la bête. Voilà, que nous avons... Ah oui, c'était pas au hasard, il nous fallait une bête. Non, voilà. C'est pour ça. Que nous avons délibérément traduit en reprend, le roux reprend un poil de la bite. D'accord. Oui, parce que ma langue a fourché quand je l'ai dit et on s'est dit que c'était une bonne idée. Voilà, donc c'est prendre un poil de la bite, en l'occurrence... Non, de la bête, de la bête. Oui, oui, oui, oui, c'est vrai, de la bête à la base. Hein. De la bite à la bête. Voilà, c'est ça. En l'occurrence, c'est chez Toff que ça se passe. Voilà. Alors, tu as une passe à épiler, monsieur Roux ? Alors, sors-moi le zboub. Tu veux le faire, Sandro ? Non, bah vas-y. Hein. Il sera capable d'avoir la gueule, Toff. Ah oui, sûrement d'ailleurs. Elle va vite redescendre, je pense. Ouais, ouais, elle va vite redescendre, ouais, tu parles. Bon, très bien. Alors, comment ça va se passer ? Donc en fait, je ne sais pas. Bah, il sort son paquet déjà. Je ne sais pas, c'est l'idée du roux. Ah, c'est ça. Très bien. Bah oui, je vais avoir du mal avec ton. Oh, quelle horreur. Vous pouvez voir ça sur Amical. Non, bah non, il vaut mieux pas évidemment voir ça sur Amical.fm. Hein. Bon. Allez, c'est parti, on fera... Ah, on il filme. Fait un street pour regarder la caméra. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce calbut dégueu, là? Oh, c'est marrant. C'est un short. Oh là là. Ah, mais c'est un maillot de bain, là. Ah toi, ouais, c'est ça. Il arrive ouais. au genou, ton caleçon. C'est un maillot de bain. Oh, c'est mignon, moi j'aime en bien. En plus, ça doit être chiant avec... C'est assorti à son gilet et son jean, en plus. Merci. Non, mais avec un fut, ça doit être chiant, tu sais, ça doit bah, remonter. Il est un peu grand, et tout, effectivement, ça fait parachute, mais c'est pour que mes couilles soient tranquilles. Ah, ça respire mieux. C'est ça. Allez, Roux, t'as pas mis de gants, c'est bien? Non, bah non, je vais pas le prendre dans les mains. Non, mais quand même, tu vas pas y être loin. Non. Bon. Bon, allez. Non, mais attends. Tu ouvres la petite porte. Ah non. Voilà. Alors, pourquoi j'ai accepté? C'était ton idée, donc assume-la. Oui, mais par contre, c'était. Il faut que tu me donnes ton paquet. Ah, voilà. Non, le paquet. Une couille. Ah non, pas les couilles. Ah si. Ah non. Ah si, c'est ce qui était prévu. On avait dit les couilles. Hein. Bon, on vote à main levée. Non, pas les couilles, pas les couilles. Non. Pas les couilles au-dessus, mais pas les couilles. Je crois que tout le monde a levé la main. Ah non, mais c'était prévu ça, on en avait parlé. C'est pas les couilles, point. Ah non, c'était pas ça qui était prévu. Hop, allez, on n'a pas dit l'abdomen. Bon, ok. C'est pas l'abdomen, c'est le haut de la bite. Ok, roux pas les couilles, mais t'en prends trois d'un coup. D'accord. Jack est passé derrière, lui a baissé son froc. Mais ce qui est énorme, c'est que moi je l'ai de profil et en fait c'est le caleçon en passant sur sa bite l'a fait rebondir. Ça t'a excité ou pas? Ah bah ça m'a fait rire surtout. Bon allez, donne-moi le oh truc. Là là. Et le pire c'est qu'on l'a filmé en HD. Oui, allez. Mais c'est ça, le pire c'est que ça sera flouté au montage, ça sert à rien. Non, je voulais surtout que le roux soit furtif et arrive. Ah ouais, mais là, ça va être pas aller vite quand même. Par contre, il faut pas le flouter parce que légalement du CSA on peut mettre un sexe qui n'est pas en érection. Hein. C'est vrai. Mais par contre, légalement du patron, je ne suis pas sûr. On peut, il n'y a pas de malaise. Bon allez, montre-moi la porte. Hop, je t'ouvre la petite porte. Allez, moi je ne regarde pas. C'est dégueulasse. Ça va, Roux? Oh. Ah ouais. Attends, j'arrive pas à le choper. Je vais même pas regarder parce que ça. Ouais. Prendre du poil de la bête, hein. Ça va, Roux? Prends-en plusieurs. Ah ouais, c'était la règle, hein. Déjà qu'ils respectent pas la règle à la base. Ah, vas-y, arrache-le. Prends-en deux, trois, genre. Faut que j'en ai plusieurs. Ah, arrache-le, putain. C'est pas genre. Je l'ai dans la. C'est bon, je l'ai. Ah, c'est dégueulasse. Mais t'en as qu'un seul. Ah ouais, j'en ai. Ah non, il y en avait trois, hein, si tu prenais pas sur le paquet. Hein. Voilà. C'est bien, le roux a envie de vomir. Regarde-le. Regardez-le là, je te l'arrache pas là, je te jure, je te crève un oeil. Grave. Arrête tes conneries. Non, le rouge, arrête, je t'aime. Arrête. Le rouge, je c'est t'aime. Un qui nargue le roux avec ses poils. Là. Voilà. Avec son il est où là? Tu l'as mis où? Il est là. Il est là. Et regarde, les auditeurs sont là maintenant à la fenêtre. Bon allez, donne-moi. Trois, on avait dit. On dirait des animaux. Si, on dirait des ours dans une cage. Ah non. Tu peux toujours revenir à ton idée de base, à notre idée de base, c'est les couilles. Non, deux. Donc il en reste encore deux. Non, un. Ah, tu viens de dire deux. Oui, mais on en fait deux. Ah bah non, un, tu viens de dire deux. Allez. Ouvre-moi la porte. Bah prends les deux d'un coup. Hein. Ouvrez. Allez, roux. Et là, quelqu'un passe derrière le roux, le pousse et il tombe sur toi. Hop, la petite porte est ouverte. Ouais, ça va, tu fais le chichi deux, là. Ah, putain, roux, ça fait mal. Mais ça va, arrête de... Deux. Mais viens, donne tes poils, toi, ça va. Non, moi, je suis un berbe. Oh, alors là, un portugais, un berbe. Ils sont où, les poils, là? Et... Quoi encore? Ah ouais, c'est dégueulasse, enfin c'est pas... Non, ça fait trois là, il y en a trois. Les poils c'est... Regarde, il y en a trois. Regarde, un, laisse-les tranquilles deux, trois. Tes poils. Il y en a trois. Il y en a trois, c'est bon. D'accord. Bon, maintenant je vais pas les jeter. Ah non, attends. Arrête, casse-toi, je vais le faire moi-même. Il est pas capable de s'arrêter, il sait pas. Alors. Je sais pas m'arrêter, qui c'est qui veut arracher mes poils là? Oui, mais bon. C'est toi qui t'es proposé. Non, je me suis pas proposé du tout. Oh, Roux, tu sais que ça peut passer à travers la feuille. Ouais, parce que là, il a mis les poils dans une feuille. Bah, on peut donner à Micha comme il a bien travaillé. Mais oui, c'est vrai, un cadeau. Non. Voilà, dans cette lettre, il y a ton augmentation. Non, mais envoie-la à des auditrices, je suis sûr, il y en a qui s'arracheraient les cheveux, justement. Elles vont faire de la sorcellerie avec. Voilà, tiens, c'est là-dedans. Vous envoyez poil au 612 et vous pouvez les récupérer. Elles vont pas prendre tes poils. On sait jamais, on va voir. Pour Jésus quoi. Quelle horreur. Voilà, il est parti, c'est bon. Hop là, on est sauvé. Ça va Roux? Oui, ça va mieux, ça va mieux. T'as survécu? C'est bien ouais. Parce que c'est mes poils qu'on arrache, mais c'est à lui qu'on demande si ça va. Bah oui, attends, oui, franchement, il y a de quoi avoir peur hein. Non, non, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait Micha là? Je sais pas, il est en train de... C'est ça, Micha il est en kiff. Bon, qu'est-ce qu'il y a Micha? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, donne ton cadeau, Micha. Voilà, c'est parce oh que... Oh non, Micha, c'est dégueulasse. Ah, oh, tu sais ce qu'il y a dedans ou pas? Non, tu sais pas ce qu'il y a dedans? Non, bah ouvre-le quand t'arrives chez toi. Ah, non, quelle horreur. Micha, vous êtes viré. C'est le plus beau cadeau que vous avez jamais fait. De faire ça, franchement. C'est dégueulasse. Ah, vous êtes pas galant. Après, tu t'étonnes, Micha, que tu sers personne. Ouais. Oh. Ah, Micha, passe pas ta vie, c'est fini là, retourne au standard, il filme, c'est incroyable. Ah le roux, il a des spasmes, il a des relents, il y roux, tu sais que c'est avec les doigts qui ont touché mes poils que t'es en train de te frotter les yeux. Non, c'est pour ça, j'allais me frotter les yeux avec ta main droite. T'as touché ses walpes. Mais non, j'ai rien touché du tout, j'ai touché la pince à épiler. T'imagines, t'en as rien sur la langue là. Quelle horreur. Un petit poil sur la langue, roux. Arrêtez, c'est bon. Il va encore avoir des relents, il va vouloir me gerber. Arrête, en plus ça remonte vite chez moi. Tu veux qu'on aille chercher la poubelle ou ça va non, aller non, ça va aller, c'est bon, j'ai pas. Eh bien, tu veux un truc à manger? Allez, on passe à autre chose maintenant. Je te paye un truc à manger. Ah oui, d'accord. Je mets un poil dedans. Ah non. C'est impératif. Les cadeaux empoisonnés. C'est apéritif. Oh. Oui. On peut faire l'expression du jour de la semaine prochaine, un poil dans la soupe. Ouais, ouais. Ah non. Ou avoir un cheveu sur la langue, mais un poil quoi. Les nôtres alors. Les nôtres. Je veux bien les nôtres. Même les miens, je peux pas moi. Alors, mais même moi, oui, effectivement. Franchement, j'ai un poil là-dedans, c'est dégueulasse quoi. Bah, si c'est les tiens. Même pas, même pas. Non, franchement, moi j'ai un cheveu, même si c'est le mien qui tombe dans mon assiette, je suis capable de plus bouffer et demander au gars qui change. Oh, carrément. Ah ouais, ça ouais, va, ouais. C'est tes poils. Non, mais là c'est les cheveux et tout, mais c'est dégueulasse quand même. Hein. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, je vous parlais tout à l'heure des pilotes là. Des pilotes. Oui, on parlait dans le mag qu'il y avait un mec qui avait voulu braquer, enfin pas braquer, donc du coup je fais comme Sandro maintenant. qui voulait détourner un avion et donc avec un couteau en plastique. Voilà, il avait pas réussi. Et là il y a encore un autre truc qui s'est passé. C'est quand même surréaliste. Hein. Alors ça, Dieu sait que j'adore l'avion, mais j'avais jamais entendu ça. C'est ces deux mecs, donc deux pilotes, ils sont dans leur Airbus A320. Ah oui, bon, tout va bien. Bel appareil. Bah oui, c'est un bel appareil qui sert pas à faire de très longs trajets, mais voilà, c'est un bel appareil. 147 passagers à son bord qui relie San Diego en Californie à Minneapolis dans le Minnesota. Jusque là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et le problème, c'est que donc l'avion décolle, hein, il décolle, il monte, tout va bien. Il vole. Et il y a un moment, il doit atterrir. Sauf que, tu sais, c'est comme un bus, il a pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il passe. Et en fait, il se rend pas compte que qu'il a oublié d'atterrir en bas, hein, à 10 000 mètres en dessous. Et donc il continue, il passe. Il fait 240 km trop loin. Mais comment? Pourquoi? Bon, à 800 km/h, ça va vite hein, de faire 240 km. Ça veut dire qu'il a quand même volé pendant presque un quart d'heure sans se rendre compte qu'il était pas... Voilà, et donc les pilotes étaient absorbés par une discussion animée à propos de l'avenir de leur compagnie aérienne là où ils travaillent. Et cerise sur le gâteau, il faut quand même savoir que le contact radio avait été coupé avec la tour de contrôle. Ça les a pas perturbés. Du coup, les contrôleurs aériens étaient quand même en panique puisque tu sais ils appelaient l'avion il répondait pas. Pourtant, ils le voyaient toujours continuer à voler et avoir dépassé l'aéroport. Donc ils disaient c'est pas normal, personne répond. Donc ils décident d'envoyer des chasseurs de l'armée. Ah oui, ils ont pas tiré. Non, bah Dieu merci, ils ont pas tiré. T'imagines, ils ont coulé l'avion. Enfin, coulé l'avion parce que c'est l'océan là. Ils ont coulé l'avion. Bah oui, qu'est-ce que tu racontes? Bah après San Diego, c'est l'océan. Oui, mais ça tombe bien, il a décollé de San Diego pour aller dans le Minnesota. Ah, c'était pour ça alors. Voilà. Et donc tu sais pour voir ce qui se passait. Et donc quand ils s'en sont rendus compte, ouais, ils sont revenus. Ils ont appelé la tour de contrôle en disant écoutez, on est désolé, on est passé un peu trop loin. Vous foutez de ma gueule avec votre jeu là. Vous foutez vraiment ma gueule. Quoi? Avec le jeu. Mais je prépare, non, je prépare pour qu'on soit à l'heure à l'antenne. C'est ça, ouais. Bon bref, tout ça pour dire que ils ont fait un petit virage de 180 degrés, ils sont revenus. Ça arrive, franchement moi ça m'est déjà arrivé aussi, t'es en bagnole, tu parles, tu rates la sortie de périph, ça arrive quoi. Non, ouais, mais t'es en voiture, tu rates la sortie de périph. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as surtout pas 147 passagers dans ta voiture. Ouais. Mais surtout, il y a un truc que je comprends pas, c'est que normalement à partir du moment où tu fais. Enfin, c'est calculé juste pour le kérosène suffisant. Non, t'as toujours un peu plus, ouais. Ah mais non, mais là, il y a quand même 500 bornes en plus. 200, oui, mais ça va, franchement, il n'y a pas de malaise. En fait, t'as toujours... Des fois, il y a des mecs qui s'endorment carrément. Ouais, c'est rare, ça, quand même. Si, ça arrivait. Oui. Le pilote qui s'endort. En Inde. Arrivé, mais... Ah bah oui, en Inde. Il arrive tout en Inde, tout est possible. Le pilote, ils ont des avions. Il s'est endormi, il a pas atterri, quoi. Comment ils font d'ailleurs là-bas? Bah, il a pour faire décoller, comme ils ont pas de main. Bah, avec les pieds. Non, le plus galère, c'est quand il faut faire les signaux pour les faire atterrir. Faut qu'ils aient au moins un membre au minimum. Un membre. Ouais, une jambe. Au moins une jambe. Je sais pas si vous avez déjà vu, quand vous êtes dans l'avion, en général, il y a un mec qui est habillé en jaune ou en orange, qui fait des signes pour dire si l'avion peut partir, doit s'arrêter, n'importe quoi. C'est vrai, comment ils font là-bas? Bah, ils se démerdent, hein. Cligne des yeux. Ouais, avec les yeux, arrêtez, c'est bon, c'est pas tout le monde qui a pas de bras, quoi. Hein. Ah bon? Bah, heureusement. Ah, je sais pas. C'est une bonne partie, quand même. En tout cas, c'est l'énigme. Hein, ouais, je vais t'emmener roule là-bas, tu vas voir ce qu'il fera le malin quand tu vas voir. Gratuit, gratuit. Ah, non, pas du tout. Bah, pourquoi? Parce que je suis jeune, j'ai encore toute la vie devant moi. Bah, c'est bien l'Inde. Oui, c'est, vas-y, je t'en prie. Ah bah, avec plaisir, moi j'y vais, hein, y a pas de vas-y, problème. Vas-y. C'est un beau pays à visiter. Oui, mais c'est un beau pays. Je sais pas, j'ai pas vu, donc je sais pas. Tu vois, ça doit être trop pauvre. Ça, tu rentres, t'es déprimé. Bah, ça dépend. Ça dépend où tu vas. Faut pas non plus rentrer trop dans l'Inde profonde, mais voilà. Et puis, mais c'est vrai qu'il faut être fort, quoi. Ouais, voilà. Moi-même, je pense que je pourrais pas y retourner. Oh là là là là, mais si. Non, mais attends, tu vois les mecs par terre et tout. Ils ont pas de route. Non, mais c'est les enfants qui m'ont dit et tout. C'est chaud quand même. Enfin, comme c'est pas que en Inde, hein, c'est dans tous les pays pauvres. Oui, c'est ça aussi. Bon, mais comment, t'as pas de cacahuètes sur toi, t'es comment? Arrête. Bon, dans un instant, on va jouer à PES. Donc, dès qu'on aura quelqu'un qui va choisir, en l'occurrence, deux personnes. Qui va jouer? De quoi? Who is running? Qui va jouer, pardon? Je sais pas encore, c'est Micha qui doit gérer le merdier. Donc on fera ça dans quelques instants. En attendant, faisons un petit tour rapide du côté de Tournée Manège. Allez, Tournée Manège. Donc comme tous les jours, des gens qui sont venus de toute la France, venus chercher le grand amour. Deux femmes, Anne-Laure, Sylvana, et trois hommes, Johan, Mathieu et Richard. Et pour commencer, Johan commence très fort, écoutez sa question. Tu dors nu ou en pyjama? Ah d'accord, vous attaquez ça. Ah ouais, ok. Voilà. D'accord, parce que en théorie, on prévoit toujours une... Ouais, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'on prévoit une... Mais vous avez raison, c'est fait. Donc, Anne-Laure, nu ou en pyjama? Bon alors, ça dépend, c'est l'été ou l'hiver? Ah oui, c'est tout le long de l'année. Hein. On va dire tout le long de l'année dans un appartement chauffé normal. Avec la cheminée. Chauffé. Avec la grosse cheminée. Bon alors, nu. Ah oui, ça va l'expliquer. Oui, parce que je suis une cochonne. Ouais. Et donc Mathieu, qui était déjà venu chercher l'amour dans Tournée Manège, ça n'a pas marché. Comme quoi, il faut du recyclage. Hein, ça, l'émission, elle a deux mois déjà, ils reprennent des gens. Ça n'avait pas marché donc la première fois. Il revient une deuxième fois, mais il n'aura pas plus de chance cette fois-là. Il a une façon très bizarre de saluer Anne-Laure quand même. Hein. Salut Miss. Bonjour. Salut Miss. Bah, ça va encore, hein, mais bon, quand même. Bon. Et donc Mathieu a une question literie à poser à Anne-Laure. Tu fais plutôt ton lit le matin ou le soir? Oh, les questions pourries. Le soir, plutôt le soir. Ah, c'est l'intérêt, hein, parce que tu fais ton lit pour rentrer dedans. Aucun intérêt. Déjà faire ton lit, ça n'a aucun intérêt. Grave. Mais alors vraiment. Oh, hein. C'est pour la tête, c'est mieux. Bon, ouais, et donc Mathieu est très content de la réponse d'Anne-Laure, hein, et Koé veut savoir pourquoi. Ouais, t'es comme moi, c'est parfait. Ça change quelque chose si c'était le matin? Bon, ça sert à rien de toute façon. Bah faut le faire. Tu le fais pour le redéfaire aussitôt. Oh, ouais. Voilà. Bah autant pas le faire alors sur votre truc. Hein? Bah oui, tout à fait. Hein. D'accord. Donc c'est-à-dire que vous, le soir, vous rentrez et avant de vous coucher, vous le refaites et vous remontez dedans. Ouais, plus ou moins. Mais bon, il a vraiment un grand. Il a vraiment un grand parce que le mec il dit ouais, le matin ça sert à rien parce qu'on le redéfait tout de suite. Et alors que le soir, non. Ouais, alors le soir, non. Et donc sans plus attendre, on va passer à la question la plus importante de Tournée Manège. Je veux bien sûr parler de la question qui balance. Si votre voisine était un poisson, lequel serait-elle? Allez, on écoute la réponse d'Anne-Laure et de Sylvana. Je sais pas, une raie. Ouais, voilà, c'était la réponse facile. Ça. Ray. Oui. Ah oui, d'où l'expression une gueule de ray. Eh oui. Non. Très bien, non. Sylvana. Moi, je dirais. Ça vous a traité de ray. À la vitre. À la vitre. Bah, c'est le poisson qui se colle contre les aquariums. Et voilà. Allez, comme tous les jours, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais aller vers le roux et je dirais le poisson roux. Ok, t'es con. Un poisson, oh là là, mais j'ai aucune imagination pour ces trucs-là, moi. C'est une raie de poisson, mais je sais pas, je m'y connais très mal en poisson, en plus. Bah, qu'est-ce que tu connais? Ah bah... Un saumon. Un merlan? Ah ouais, un saumon. Un saumon. Qui t'as une tête de saumon. Voilà, Toff pour Sandro. Les cétacés, ça compte pas. Ouais. Merde, les cétacés. Ah, pas de baleine, donc. Non, j'étais sur un orque. Plus proche de moi, il y a la sirène. Non. Mi-femme, mi-ton. Ton. C'est nul et facile à mort. C'est vrai qu'il y avait le ton, mais non, j'ai pas osé. Ah, moi, j'ai cru que t'allais dire la baleine. Ben non, on a dit pas de cétacés. C'est un poisson-chat, la baleine. Oui, mais pas un poisson. Un poisson-chat. Oui. Poisson-chat. Oui, oui, le poisson-chat avec les grosses moustaches. D'accord. Mmh. Bon, très bien. Sandro pour Jack. Une carpe. Une carpe. Ah. Ouais, bah tu sais, c'est long quoi. D'accord. C'est long. Okay, c'est muet surtout. Et Jack pour Micha. Une anguille. une anguille, ça lui va très bien. Une petite anguille. C'est vrai. Une grande anguille. Effectivement, oui, grande quand même. Hein, et Micha pour Mickaël. Oui. La crevette. C'est un crustacé. La petite crevette grise là, tu sais. La petite crevette. C'est pas un poisson. Oui, ben, non, on a dit un poisson. Ah, il peut dire. La carpe, ça a déjà été donné. Oui, c'est pour toi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on pêche en basse au Portugal? La morue. Ah, c'est drôle, ça. Ah, non, pas la morue, non. Bon, allez vite. Je sais pas, non, ça va bien. Le merlan, voilà, une tête de merlan frit. Bon, ouais. Oh là là là là. Bah, Michel ne participera plus dorénavant. Parfait. Parce que... bien dommage. Ce qui n'est pas bon, voilà. Bon, allez, Sylvana qui a une très bonne question pour Richard, écoutez. Si tu pouvais être une femme durant 24 heures, que ferais-tu en priorité dans ta vie très intime? Si tu pouvais être une femme pendant 24 heures. C'est une question qu'on voudrait vous poser. Ah bah alors là, je me touche les missions direct. Ouais, moi j'avais autre chose de beaucoup moins glamour. Bon, la réponse de Richard déçoit énormément Koé. Hein. Ça risque d'être coquin. Oui. Ben, prendre soin de son corps comme toute femme et comme... Vie intime, je pense que c'était même vie... Vie intime, vie sexuelle même. Voilà. Vie sexuelle? Oui, c'est pas toilette, hein, c'est pas si elle voulait pas. C'était vie intime. Vie intime. Oui, c'est pilé, entre guillemets. Quelle horreur. Je sais pas, comme toute femme. Vous avez 24 heures dans la vie d'une femme, le premier truc que vous faites, vous vous épilez. Elle parle en intimité, donc je pense que c'est... Donc, je pense qu'elle parlait de se faire déglinguer. Réponse, ouais, vous vous épilez quoi. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va terminer avec une dernière question de Sylvana. Qu'est-ce qui pourrait te décider à présenter ta nouvelle compagne à tes proches? Voilà. Et donc Cohen n'a pas bien compris la réponse de Johan. Bah le temps, déjà. Quoi? Le temps, c'est-à-dire s'il pleut. Si il pleut, non, pas quand il pleut. Ah non, quand il pleut, quand il pleut, je présente pas. Non, j'attends qu'il fasse beau. Non mais bon, faut déjà tomber bien amoureux tout ça pour présenter à tout le monde. Ah le temps, oui, c'est du temps. Il est un peu teubé quand même. Au niveau du timing, d'accord. Tes parents ils viennent, où il y a des nuages, il faut qu'ils repartent. Bien sûr, avant de présenter, il faut laisser le temps, vous avez raison. Voilà, donc Sylvana va repartir main dans la main avec Richard, c'est beau l'amour et ça sert aussi à ça pour les manèges. Allez, on revient dans 3 minutes, on ira chez Jean-Claude au Fucking Blue Boy, on jouera à PES 2010. Mickaël, le podcast. Bon, on va aller chez Jean-Claude maintenant avec Christophe et Julien, salut les gars. Salut Mika. Comment ça va? Salut Mika. Salut. Ça va? Bon, en forme? Ouais. Bon, on va aller chez Jean-Claude là au Fucking Blue Boy. Oui. Vous connaissez un peu le principe? Ouais. Bon bah parfait, bah on y va, alors on va sonner directement et puis on va voir ce qui se passe. D'accord. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour Jean-Claude. Je rappelle aussi qu'on ira faire encore un tour du côté de OMPG tout à l'heure hein, pour l'avant-match, un peu la tension. Vous êtes un peu tendu Jean-Claude ou pas pour le match ce week-end là? Oui, moi je suis tout dur. Hein. Mais vous êtes pour qui? Moi je m'en fous, moi je suis pour ceux que je vais démonter après le match. D'accord, ok, merci Jean-Claude. Je vous en prie. Bon, façon, alors. Moi je m'en fous, hein, que ce soit des Marseillais ou des Parisiens, oui, de moment oui, que je oui, démonte oui, des culs. On a compris, vous inquiétez pas. Ah, bon, alors Jean-Claude, je vous présente Christophe, 21 ans, de Douchy-les-Mines. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va mon chéri? Ouais. Voilà, ouais. Et Julien, 19 ans, de Nantes. Bonjour Julien. Tu aimes le sexe Julien? Oh oui, j'adore. Tu les préfères gros et velu? Oh oui. Ou petit et imberbe? Je t'attends. Non, tu m'attends. Non, mon cochon. Bon, vous connaissez les règles du jeu, les... du c'est, jeu. Dur, c'est dur, c'est dur. Oui, j'ai le poil, enlève le poil. Oui, il me reste un petit poil entre les dents, pardon. Oui, ça ira, ça ira. Bon, alors, vous connaissez les règles du jeu, mes cochons? Oui, mais vas-y, explique-nous. Bon, alors, je vous explique. Je vais vous poser 3 questions. À chaque question, vous allez devoir crier bien fort votre nom après que j'ai donné les propositions. Si vous ne criez pas votre nom, la réponse ne compte pas. Vous avez compris? D'accord, pas de problème. Parfait. Alors, commençons et posons la première question. Combien y a-t-il d'échangistes en France? Petit A, 400 000. Petit B, 1 million. Petit C, 2 millions. Je vous écoute. Christophe, je t'écoute. 400 000, oui, c'est une bonne réponse, bravo. Merci. Tu en fais partie? Oula, ça t'excite. Ah oui, ça m'excite. Hein, donc tu en fais partie, mon cochon? Oui. Oh, oui, je le savais. Petite cochonne. Bon, deuxième question. Combien d'enfants sont nés en 2008 de l'adultère? Petit A 1%, petit B 5%, petit C 10%, Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, petit C, ouais, 10%. Vous êtes perdu là, Jean-Claude. Non, petit C, 10% ou petit D, 20%. Florian. Florian, je t'écoute. Petit C. Il n'y a pas de Florian. Ah, tu as changé de nom. Christophe. Oui, Christophe, je t'écoute. J'avais honte d'aller au fucking Google. Mais tu es démasqué maintenant. 20% et non, c'est beaucoup trop. Oh. Julien, je t'écoute. 10%, oui, bravo. Oh là là. Alors attention, c'est la... Oh, tu es chaude ce soir, ma chérie. Bon, dernière question pour vous départager. Quelle est la taille d'un pénis... Non, d'un pénis de baleine. A, 20 cm. B, 200 cm. C, 2000 cm. Ou D, 20 000 cm. Florian. Mais attendez, parce que je comprends plus rien là. Bah c'est Christophe et Julien. Ah, mais, non, mais c'est Florian qui s'est nouveau trompé, il a dit ah Florian, Christophe. Bon Florian, je t'écoute. Petit B. Petit B, 200 cm, oui bravo. Oh tu as gagné mon chéri. Qu'est-ce que tu es fort. Eh bien je t'appellerai comme tu veux quand je te démontrerai le cul. Ah, bah, très bien. Christophe, Florian, Gérard. On est ravis de l'apprendre. Ça m'est égal du moment que tu jouis bien fort. On est ravis de l'apprendre. Ah oui, je le savais. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a Micha? Qu'est-ce qu'il y a Micha, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette grande cochonne. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Il me dit qu'il s'appelle Julien. Mais je sais qu'il s'appelle Julien, c'est marqué dans le standard. Enfin Micha. Christophe qui a donné un mauvais nom. Merde. C'est Christophe qui a donné un mauvais nom. Oui, qui t'a menti, Micha, mais c'est pas rien grave. Compris. Depuis qu'il a mis une casquette, c'est encore pire qu'avant. Mais oui, c'est ses oreilles, ça passe plus bien. Ça serre la tête. Il capte plus là. Ça serre la tête. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, bah voilà, bravo à qui du coup maintenant. Je sais plus avec tous ces prénoms là. Paul, Florian, Christophe. Voilà, donc à Christophe. Très bien. Christophe, ton cadeau part, c'est la caméra numérique qui part. C'est ça, Micha? C'est ça, ouais. Très bien, caméra numérique qu'on va t'envoyer qui part directement à Douchy les Mines. Oui. Ah, d'accord, merci beaucoup. Hein. Tu pourras filmer tous tes ébats sexuels avec et me les envoyer. Bah, attention, ah, bah, Douchy les Mines, il n'y a que ça filmé. Ouais, c'est... Non, il y a la station Elf aussi. Ouais. Enfin, il y avait bien d'autres choses, mais on en parlera un autre jour, mon chéri. Salut Christophe. Salut, au revoir. Ciao à toi et Julia, bah, tu reviens quand tu veux. Hein. Bye bye. Salut, ciao à toi, bye bye. Bon bah voilà, hein, bonne chose de fête là maintenant hein. Bon, allez, on va dans un instant parler du foot déjà avec le Roux et ses infos footballistiques. C'est l'heure, c'est l'heure. Ouais, et puis surtout, ah oui pardon, excusez-moi Jean-Claude, au revoir Jean-Claude. Bah oui, ouais. Bonsoir, bonsoir, à bientôt. Allez, au revoir. Hop là. Donc voilà, et on va faire dans un instant le match OM match. Paris Saint-Germain. Oh, quel bel accent. Allez l'OM. Allez Marseille. Allez Paris. Allez Marseille. Donc je Paris. Rappelle que le Roux descend à Marseille hein. Oui, le Roux va voir le match. Exactement, il va directement T'es vraiment un enculé en haut. Quoi? Parce que j'ai vu dans le standard en fait déjà, c'est trop tard. Tiens, c'est trop tard. Il y a Bruno qui est là, 30 ans maintenant. Salut Bruno. Salut. Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, ouais. Donc j'ai vu dans le standard que tu voulais que je joue aux couleurs du PSG. Exactement. Mais non, c'est moi qui prends Paris. Allez, Paris. Franchement. Non, je prends... Bruno, ouais. Si je puis me permettre, je te conseille de prendre Paris parce que si jamais je perds, on pourrait croire que je l'ai fait exprès. Ah, tu vois. Alors que là, on serait au top, je vais tout donner pour essayer de gagner et de faire monter les couleurs marseillaises. Bah non, mais prends Marseille alors. Bah oui, mais c'est ce que je dis, ouais. Ah, d'accord. La radio, elle est stationnée où? À Paris. Oui, alors. Elle peut supporter Paris. La radio, oui, mais moi, non. Tu vois là. Ah, alors. La radio, elle supporte quelqu'un. Ce qu'il faut expliquer ce soir, c'est un match de haut niveau. Oui, très haut niveau. Damien voulait prendre Sandro pour Marseille. Bon, est-ce que ça vous dérange si on inverse les postes? Moi non. Allez, vas-y. Que je fais Marseille et que Sandro fait Paris. Ouais, allez-y. Et le Parc des Princes? Y a pas. Y a que le Stade de France et le Stade Louis II. Bah, comprends. Ouais, Louis II, très bien. Les deux pires stades de France. Bon. Finale de la Super Coupe d'Europe. Donc j'espère que vous vous rendez bien compte que je vais écraser Sandro. C'est parti. Et Sandro qui était. Tu peux m'essayer de m'aider pour tricher? Bah non mais il faut m'expliquer pour les boutons. Hein. Bah tu pousses sur les boutons, tu fais comme moi, tu pousses, tu verras bien. Non mais y a 12 boutons là-dessus. Bah oui, mais c'est pas grave. Je vous explique. Attends, je vous explique à tous les deux. Non mais bon, vas-y. Très rapidement. Le X, ouais. Le X en bas. N'appuie pas dessus. Le X en bas, c'est une passe. Ouais. Tout simple. Ouais. D'accord. Le carré, c'est le tir. D'accord. Le triangle, c'est une balle en profondeur. Ouais. Le rond, c'est un centre. D'accord. Et vous vous déplacez avec la manette multidirectionnelle, ouais, c'est-à-dire la croix, ouais, à droite pour aller à droite. Oui, enfin ça va. En haut pour aller en haut, à gauche. Mais enfin, ne prends pas pour des données non plus. Hein. Et donc vous avancez. Vous et les gros boutons, ils servent à quoi? Les? Rien. Les boutons. Non, tu t'en fous. Franchement, lâche l'affaire. Une balle en profondeur. Une balle en profondeur. Bah, c'est pour, c'est quand tu. Tu tires loin. Non, non, c'est quand tu joues dans l'eau pour la mettre plus bas. Non, mais c'est... Non, en fait, la balle en profondeur, c'est quand t'as un joueur, tu vois un de tes joueurs, un de tes attaquants qui part. Et en fait... Mais non, mais on lui explique. Ouais. Mais t'as un problème, toi, hein. En fait, quand il y a un attaque, par exemple, t'es un milieu de terrain, il y a un attaque. Bon, bah voilà, tu l'utilises pas. Bah parfait. Et R1 pour courir. Le rond, c'est pour centrer. R1, c'est où? Non, mais laisse tomber, c'est pour accélérer, mais de toute façon, vous avez pas besoin d'accélérer, vous. On va jouer à 2. Voilà, ça va déjà être. À du 2, pardon. Autre voltige. Ça va être pitoyable. Juste la croix et le carré. Voilà, croix pour avancer sur le terrain plus facilement. Voilà. Enfin, bah forcément, si tu fais une passe à un mec qui est vers le but, tu vas plus vite vers le but que si tu vas en courant. Mickaël, le podcast. Ça y est, c'est la fête à la saucisse, quoi. Maintenant que tu joues au PES. Donc toujours 1-0 pour les Parisiens. Ouais, j'ai un prix rouge. Mais y a pas de faute, y a pas de faute là. Mickaël qui a pris un carton rouge il y a 5 minutes. C'est pas vrai, c'est l'euro qui va flinguer mon équipe. Il non, a mis un éboueur au but. Mais c'est pas un éboueur, c'est un super gardien. Attends, voilà, heureusement j'avais fait un mur là. Heureusement j'avais un beau mur. Allez, récupération, c'est Sami Traoré. Ah non, ouais, c'est hey, profite, c'est Camara de, ton, qui profite de ton équipe, Roux, hein, parce que c'est pas comme ça que ça va être demain. Oui, oui. Dimanche, pardon. Alors pour expliquer un petit peu ce qui va se passer dimanche, c'est que déjà il y a des grosses inondations dans le Gard. Donc ils étaient pas sûrs de jouer le match. Et bon, en tu plus, vas tirer, Sandro. Et en plus, il y aurait une épidémie de grippe au Paris Saint-Germain. Et donc il y a Jérémy Clément qui était pas sûr de jouer parce qu'il a chopé la grippe. Ludovic Juli qui était pas sûr de jouer parce qu'il a chopé la grippe. Mamadou Sakho qui est pas sûr de jouer, il a aussi chopé la grippe. Diomo Haro qui est blessé, Camara qui est blessé. Donc c'est 5 joueurs, c'est 5 titulaires quasiment qui vont pas jouer du côté du Paris Saint-Germain. Mais apparemment ils parlent même de faire annuler le match à cause de la grippe. Ouais, ouais, il y a une possibilité de faire annuler le match à cause de la grippe. Ça veut dire que le Roux il descend sur Marseille, il n'y aura pas le match. Ah, il y a un supporter du PSG là qui est là. Où ça? Allô? Oui. Allô? Comment ça va? Bah bien, et vous alors? Bah écoute, ça va. Bien chaud. Bah ça va, là on joue, là le Roux il m'a configuré PES avec une équipe pourrie là. Oh, non, c'est pas vrai. Avec un Marseille, mais il a pas mis les bons joueurs. Ah bah, qu'est-ce que tu veux chercher par là? On les battra avec n'importe quelle équipe, nous les Parisiens. Ouais, bah, c'est pas sûr ça encore. Hein. Il y a quand même 5 joueurs de titulaires qui vont pas jouer demain. Bah, ne t'enflamme pas. Hein. Restez optimiste. On a une équipe, on joue que le championnat. On peut faire quelque chose à Marseille. On peut les avoir, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement, même les plus optimistes sont pas... Mais oui, même le Roux, il y croit pas. Optimiste. Quand t'es parisien, t'es parisien. C'est bah comme oui, quand t'es parisien, ça c'est sûr. Hein, mais, et bah, c'est tout. Ouais, mais on a la même envie. On a la même envie. Un putain d'accent, non. Eh, mais non, mais Mike, il t'arrête à chaque... Attends une seconde. Il y avait hors-jeu, non mais elle s'enflamme, Sandro là, excuse-moi, mais bon. Bon, attends, Roux, alors quelles sont les informations au niveau du foot là? Bah, déjà le fait que ça se passe mal. Bah c'est assez rageant de savoir qu'il y a tous ces mecs là qui vont pas pouvoir jouer. Surtout quand tu sais que dans l'équipe d'en face, donc dans l'équipe de l'OM, t'as Abriel, un ancien parisien qui va jouer. T'as Edouard Cissé, un ancien parisien qui va jouer. Et t'as aussi Gabriel Heinze. Heinze, ça va être la grosse interrogation du derby. Peggy Louis Ndoula, l'ancien Marseillais, il va jouer avec Paris. C'est vrai. Voilà. Là, c'est le seul qui va jouer à Paris. Là, c'est déjà suffisant. Et Gabriel Heinze, ça va être le gros duel, puisque Heinze, il était fan du Paris Saint-Germain quand il était Paris à l'époque. Il mouillait vraiment le maillot et là, il a signé à l'OM. Je pense que Gabriel Heinze va pas finir le match et va se prendre un carton rouge, genre à la 70e, parce qu'il aura taclé un peu trop fort les Parisiens. Tu crois? Ouais, je pense. Il va s'enflammer. C'est obligé. Sinon aussi une petite info du côté du Barça, puisque Thierry Henry, l'attaquant de l'équipe de France aussi, apparemment il serait à New York et il serait déjà en train de négocier pour son prochain club. Ça va très bien. New York. Il partirait. Ah ouais. Ouais, Yuri KF. Voilà, en fait apparemment Thierry Henry ça fait très longtemps qu'il a envie d'aller jouer aux États-Unis, donc il va peut-être y aller et signer à New York. On serait fort pour lui. Ouais, ça serait marrant. Pourquoi? Ouais. Mais saison prochaine? Ouais, la saison prochaine. Ah ouais, déjà. Ouais. Puis aussi toute la polémique qu'il y a eu en équipe de France, puisque je sais pas si vous avez essayé, mais en tout cas, il était impossible de choper des billets sur internet. Ouais. Ouais, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait trop d'Irlandais dans le stade. Ils avaient peur, ouais, qu'il y ait trop d'Irlandais dans le stade. C'est hallucinant. Mais c'est ouf ce truc. Non mais en fait tu peux les gruger, c'est-à-dire que il y a un mec qui témoignait sur une radio qui disait que lui il avait été à la Fnac et qu'il avait acheté 20 places. Alors que normalement t'étais pas censé pouvoir en avoir plus de 4 ouais. personnes. Oui, donc ça crée une polémique, parce qu'évidemment il y a plein de Français qui ont envie d'aller sur internet, qui peuvent pas forcément se déplacer en boutique. Et donc ces gens-là ils pourront pas aller voir les bleus. Et le pire c'est que les mecs qui en achètent 20, c'est pour les revendre sur internet aux Irlandais. Exactement. À deux fois le prix. Voilà. Bon, excusez-moi, mais là il y a deux rouges quand même. Hein. Donc France-Irlande, ça sera pour. Ouais, non, France-Irlande c'est sur TF1. Oui. Exactement. Bon, pour Irlande-France sur M6. Voilà. Mais vous vous en foutez, mais j'ai pris deux rouges là pour l'instant. Hein. T'as pris deux cartons rouges, ça va se passer demain. Ouais, tu pars avec le PSG, ça va se passer. Ouais. Bon, Thomas, tu vas regarder le match? J'aimerais bien, mais j'ai pas de canal. Ah, bah va dans un bar. Ouais, va dans un bar. Attention, deuxième but pour le PSG. Oh là là là là. Ça a failli. Ouais, mais c'est normal, ils sont 11, je suis 9. T'habites sur Paris, Thomas? Je suis pas loin, ouais, je suis à Versailles. Eh bah, il y a bien un bar à Versailles qui retransmet le match. Ouais, t'inquiète pas, je vais trouver. Ah, d'accord. Quand même. Oui, ça va, oui, franchement, il doit y avoir. Hein. Bon, en tout cas, est-ce que je peux juste dire un truc? Vas-y. Parce que pendant allez, toute Marseille la semaine, non, pas du tout. Pendant toute la semaine, on a parlé de la sécurité autour du vélodrome, dans le vélodrome, tout ça, parce que y allait avoir cette fois, c'est un record, parce qu'il y a 2000 Parisiens qui vont défendre tout ça, machin. À 2000? Ouais. Ouais, il y a 2 spectateurs. Et en fait, ils s'excitent parce que le vélodrome avait jamais accueilli plus de 1100, machin, tout ça. Alors qu'en fait c'est tout con, c'est juste parce que cette année l'Odrome a débloqué 2000 places pour le Paris Saint-Germain. En fait ce qui s'est passé, c'est que dans les années précédentes, il y avait un accord entre le PSG et l'OM, et comme c'était un match un petit peu particulier, les Parisiens et les Marseillais s'engageaient à faire venir que 1000 supporters quand il y avait des déplacements. Alors que normalement la vraie norme en Ligue 1 c'est 2000 supporters. Et donc là voilà, on est un retour à la normale, il y aura 2000 supporters au Vélodrome. Alors que c'est clair que s'il débloquait la moitié du vélodrome pour le il serait rempli, hein. C'est rempli par les Parisiens, ça faut pas s'inquiéter. Hein. Je suis pas sûr, il y a quand même pas mal de Marseillais à Marseille. Ouais, mais bon, mais les Parisiens, PSG Marseille ou NPSG, faut pas le manquer quoi. Ah non, ça c'est sûr. Ah il faut pas le manquer d'ailleurs, le Roux il y va, mais alors ce qui peut être drôle, c'est si effectivement le match est annulé, ne fût-ce que pour le Roux. Hein. Oh non, attends, j'ai payé mes billets moi. De quoi? Il y a quand même 3 grippes à Paris. Enfin, ouais, c'est ça, 3 grippes. Putain, t'imagines en route, tu chopes la grippe A. 3 grippes. Moi, je m'en fous tant que je vois le match et qu'on gagne. Il y a Julie et Sako qui sont pas loin de la grippe A. Et Jérémy Clément, on sait pas, on sait toujours pas. Et tu dis la grippe normale, ça a été dit sur le site du PSG. T'es sûr? Ouais, je suis allé voir tout à l'heure. Allez, carré, Sandro, carré. Oh non. Pas voilà. Possible, Sandro, elle est en train de camper dans la surface et elle tire pas depuis tout à l'heure. C'est fini. But. Ouais, bah t'as bien construit, hein. Tu fais une belle muraille. J'ai gagné. Oui. Non, je suis désolé, t'as pas gagné. Bah, on va gagner 1-0 puisque là on vient de jouer à PES et c'est les Parisiens qui ont gagné 1-0. Donc je suis sûr que ça va se finir comme ça demain. Non, je suis désolé. Eh, franchement, je m'excuse. Ouais, je m'excuse auprès de Damien. Ah non, j'allais dire but de Roten, donc c'était pas près d'Damien. Attends, but contre son campagne. Attendez. Bruno et Damien. Ouais. Bon, je voulais juste m'excuser auprès de Damien. Enfin, m'excuser non. C'est juste que là, pour la peine. Pour la peine, c'est le PSG qui a gagné, donc c'est Bruno. Mais Damien a perdu à cause du Roux, parce qu'il m'a flingué l'équipe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mickaël, c'est l'inverse. C'est Damien, moi, j'ai gagné avec Sandro. Ah oui, mais non, tu l'as fait à l'envers, Damien. Mais non, j'étais avec Sandro. Non, Damien, on avait échangé. J'ai dit, ça vous pose pas de problème si je joue avec Marseille. Mais non, vous avez changé juste d'équipe. On a juste changé d'équipe, hein. Mais oui. On a changé d'équipe, putain, je sais plus maintenant. Ah, on va écouter, ouais, on va écouter la pige. Bon, mais si, vous avez juste Michel, attendez. Bon, je vais vous enlever de l'antenne, hein, on verra qui gagnera hors antenne, c'est Michel qui va gérer. Qui c'est qui m'a supporté là? Il n'y a pas de c'est Damien qui a gagné, il a pris Sandro. D'accord. Damien avait pris Sandro, donc je tiens juste à m'excuser parce que, pour la peine, le Roux m'a flingué l'équipe. Arrête, ça va, oh là là, attends, que chichi. Hein. Mais va jouer avec Annie Bouer. Ouais, mais c'est normal parce que nous, les filles, c'est dans les gènes, on joue moins bien au foot que vous, les gars. Bah t'as bien vu. Donc forcément, voilà, après on a remis les équipes qu'il fallait mettre. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Oh, tout ça pour dire que Paris que a Damien... gagné. Ouais, bah, grâce oui. à moi. Ouais, bah grave, ce sera dimanche. T'es fait gagner Paris au lieu de parler avec tes potes. Ouais, c'est ça. Bon, Damien, c'est gagné la PS3 pour toi et puis surtout PES 2010. Ah, merci beaucoup. Hein. Retour aux sources. Bah, remercie-moi aussi quand même. Merci Sandro, franchement Sandro, t'es trop fort. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Tricheuse, même là, elle a réussi à tricher. Sans le savoir, elle a réussi à tricher. C'est un drame, c'est un vrai drame. Bon, Damien et Bruno, je fais des gros bisous et puis écoutons encore un petit peu l'ambiance qu'il va y avoir pour ce grand match, justement, OM Paris. Main, mais il y a main, mais... putain de Brandao là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y'a pas mal de Brandao là, jamais la vie. Mais d'où y'a pas mal? C'est quoi cet arbitre de merde? Oh, y'a fini, oui, de raconter sa vie, le couillon là. Oh, enculé, mais il est fadao quoi? Tu as vu comment il tacle, ma qu'il est? Oh, mais ça va, ne rajoute pas non plus. Il a quasiment pas touché. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il l'a quasiment pas touché. Mais c'est que tu te fous de ma gueule, toi, c'est une atteinte. Hein? C'est une atteinte. Quoi? Un attentat. Oh, tu comprends mieux comment ça, faut lui dire à Parisien. Un attentat. Oh, bref, si ça m'énerve. Tu parlais mieux aussi. C'est comme ça, ça m'énerve. Attends, j'ai mon téléphone. Vas-y, m'épose là, m'épose deux secondes. Enfin, c'est toujours pareil, cousin. Ton téléphone, il sonne à chaque fois qu'on joue à PES. T'es dedans, là. Sandro qui met son produit sur les lèvres, là, elle est là, tranquille. Hein. Bon, donc voilà l'ambiance qu'il risque d'y avoir demain. Non, pas demain. Non, pas demain. Non, dimanche. Ah, pas demain. Dimanche soir, donc au Vélodrome avec le roux qui sera au taquet. Je rappelle que le roux descend sur la planète Mars. Bah sur la planète, sur la poubelle Mars. Pauvre con, ouais. T'es vraiment un con. C'est juste ça, c'est juste ça. Ouais. Bon, en tout cas, bonne chance à Marseille, que le meilleur gagne. Ouais. Bah, le problème c'est que là le meilleur il a un peu une équipe en carton. Bah non, tout le monde va jouer à Marseille. Ouais mais c'est pas eux les meilleurs. Ouais. Mickaël, le podcast. Let's go for the POLO show. On y va. Démarrage, on est parti. Oh là là. Et c'est FX dans l'émission Pop la show. Alors attention au démarrage. Mr. FX débarque. Ah c'est fini. Ah merci à FX d'avoir prêté sa voix pour faire un jingle aussi passionnant. Je le remercie, vous êtes dans le Polo Show, bienvenue à tout le monde. Est-ce que le public est là ce soir? Oh là là, il est muet le public. Il lève une main faiblarde, un point faiblard dans le ciel afin de me soutenir. Mais bon, ça suffit pas public, il faut crier, il faut hurler afin de me soutenir. Le public arrive, ne vous inquiétez pas. Je tiens à dire que ce soir je suis en sortie. Eh oui, je vais aller voir Carla Nova, l'actrice de porno. Elle fait une petite... C'est des desserts? Ah non, ça c'est Mamie. C'est Mamie Nova ça. Et on va voir Carla Nova au 6-7, puisqu'apparemment elle va mixer parce qu'elle s'est mixée. Apparemment elle est DJ. Et elle va nous faire... je sais pas si elle va nous mixer, mais elle va nous mixer. Donc je vais y aller tout à l'heure. Voilà. Elle nous prépare à présenter son calendrier. À mon avis, il doit y avoir des photos à poil, des non. Trucs comme ça. Ah si, Carla Nova, non, calendrier. On va regarder. Oh là là, bah bravo, tu viens ici pour casser tout dans le studio. On a reçu un mail cet après-midi, sachez-le. C'est le grand renouveau des mails. Une auditrice qui s'appelle Vir. Alors est-ce que c'est Virginie? On ne sait pas. Je lis. Est-ce qu'on peut baisser un peu le bed? Le bed étant un terme technique pour mettre cette musique qui est au fond de moi. Vous l'entendez, cette musique ridicule. Non mais c'est important, Jack, c'est très important. Tout le monde est génial, sauf Polo. Vulgaire. Sans instruction. Notez bien, je suis sans instruction. On sait pas qui c'est. Elle s'appelle Vir. Alors faudrait bien que tu mettes ton prénom la prochaine fois. Sans aucun intérêt. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez. Gardez un mec comme ça. Hein, dommage, il flingue la fin de votre émission. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'il est là. Qu'il est à la fin. Vous êtes super, continuez ainsi, Mickaël. Derrière ce visage beau gosse se cache un mec instruit. Et de même que Roux, je vous adore tous les deux, vous êtes super bon comédien, etc. Il faut que tu apprennes à écrire et pas mettre des points d'exclamation un peu partout. Voilà, donc comme je suis un mec idiot et sans instruction, on va mettre un peu de pub et on se retrouve juste après. Tournez à droite. Tournez à gauche. Attention, chicane. Tout droit, tout droit. Dans le mur, maintenant. Dans le mur. Nouvelle Renault Flavio. Signe extérieur de tricherie intérieure. Salut, c'est Helmut Fritz. Ça m'énerve. Le Polo Show. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tant mieux pour toi. Welcome to the POLO Show. Hop là, c'est reparti, premier auditeur, on y va. Le public est arrivé. Il est chaud le public, on est chaud ce soir. Ça suffit, on y va, qui est là? Vite. Polo? Ouais. J'ai peur, j'ai plus de maison. Eh ben c'est bien. J'ai vraiment très peur. Ah d'accord. Alors, après Monsieur A, on a Madame A, hein, Madame F, on va l'appeler. Qu'est-ce qui se passe, Madame F? J'ai plus de maison, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux qu'on fasse péter la polo solidarité? Ouais, mais je pensais surtout que attends, tu veux l'héberger. Attends, on va la faire péter. Hop là, c'est drôle, non? Non. Vas-y, je t'écoute. Je veux que tu m'héberges, en fait. Ah, ça dépend. Je pense qu'il y a que toi qui attends, peux m'aider. On va faire un petit... Quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. D'accord, tu mesures combien? 1m57. T'as des gros... Tu vas fermer ta gueule, public ingrat. Bon, t'es sexy, t'es séduisante. Bah oui, je suis trop bonne. Bon, ok, bah, écoute, on peut s'arranger, on peut toujours s'arranger. D'accord. Laisse-moi tes coordonnées en antenne, jeune gourmandise. Bon, allez, casse-toi. Ah, j'ai du problème. Qui est là? Allô, bonsoir, Apollo. Bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Jean-Michel, là. Dis-moi, j'appelle, là, j'écoutais le warm-up de Micheline. Ouais. Bah, j'entendais, ça chambrait un peu, là, pour ça, le match dimanche. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense rien, j'en ai rien à foutre, j'aime pas le foot. C'est comme ça, attends. J'aime pas le foot, je n'ai jamais aimé ça. Petit, je joue. Tu vas me laisser parler, ouais. Attends, petit, une seconde. Petit, je préférais jouer à la poupée plutôt que de jouer au foot. Oh, tu es pressé, là, dis-moi. Bon, vas-y, oui, je suis pressé, oui. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu te manges ou je te raccroche au nez? Bah, ça va me faire plaisir, le moi, temps, le, moi, là, le sud. Qu'est-ce que tu racontes? Hein, tu as le temps, là. Moi, je suis un nordiste, moi, je suis un parisien. L'émission, elle est presque finie, là. Bon, vas-y, magne-toi. Pourquoi tu... A 3, t'as calme pas... Calme-toi, je te 3. Sens tu es énervé, tu es chaud. Hein? Je suis pas chaud, c'est parce A 3. Que tu es parisien que tu veux qu'on s'embrouille ici. Non, c'est toi qui veux... A 3, tu n'as pas parlé. Tu n'as c'est pas... toi qui veux t'embrouiller. Alors, A 3, écoute-moi bien. A 3, allez, casse-toi d'ici. Oh là là là là là. Qui est là? Un autre auditeur, on y va. Allez. Hop là. Oui, je t'écoute. Ah bon? C'est qui? Toi. Qui, toi? C'est monsieur Dalmuscu. C'est fait de la mucu. Hier, je suis parti voir ma copine. D'accord. Dis-le qui voulait faire du développé couché. Oui, parce que j'ai des petits bras. T'as des bras tout rigolos. Attends, c'est quoi que t'as un gros cul et des petits bras, c'est ça? J'ai un gros cul et des tout petits bras. D'accord. Alors j'ai voulu faire le même cul. Ouais. Et je voulais faire du développé couché. D'accord. J'ai fait du développé couché. Ouais. Et j'ai fait jusqu'à 3 kilos. Ouais. 3 kilos de développé couché. Ouais. T'as fait... Alors, attends, mais t'as fait combien de... T'en as fait 200 au moins, non? J'en ai fait 8000. J'ai fait 8000 développé couché. J'ai été couché et j'ai tout développé. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ben maintenant, j'ai un autre problème. T'as trouvé la meuf? Non, j'ai un autre problème. C'est quoi? J'ai des tout petits triceps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas. Écoute, c'est vendredi soir. Est-ce que tu veux pas revenir lundi pour me parler de tes triceps? J'ai envie de faire la mucu. Pourquoi tu veux pas me faire la mucu? Je sais pas, fais de la mucu, je sais pas. Fais de la muscu. Allez, tu reviens lundi. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo show, tout en beauté et tout en auditeur ringard, il est là, je crois. Ça doit être lui. Qui es-tu? Eh, je le savais, il est là. Qu'est-ce que tu veux? Polo. Quoi? Elle cherche toujours à se faire héberger, celle qui a passé en premier. Toi, t'es un pervers, là, t'arrives tout de suite, là, parce que tu vois une jeune fille dans le malheur. Bah, pas du tout, j'y peux rien si elle s'est étoffée. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, elle est toujours là. Non, elle est plus là, je l'ai virée. Ah, bah, fais gaffe, elle est pas virée. Bon, tu vas là? Bon, vas-y. Bah, t'arrêtes de me couper, connard. Vas-y. Elle va peut-être se faire virer de son taf. Oh là là. Mais qu'est-ce que je fasse? Je suis pas, je travaille pas pour la CGT. Bah, écoute-moi bien, espèce de... Bande de connards, dans 2 semaines, ça va moins rigoler. Monsieur, le public ne t'aime pas. Moi, je t'aime. Ouais, bah lui qui fasse gaffe, parce que le 2, ça va lui faire tout drôle. Bon, monsieur, vous avez prévu quoi ce week-end? Eh ben quoi, bah, tu sais quoi? Je dois aller au parc, mais ça fait 5 ans... au vélodrome, mais ça fait 5 ans que j'y vais... Attends, t'es ta vanne, bouffon. C'est ta vanne. Oui, c'est comme eux, ils vont rater leur but. Bon, vas-y, monsieur, concluez, s'il vous plaît. Il n'y a plus de concluer, tout le monde fait ce qu'il veut là-dedans, dans cette émission, allez, ça ne veut plus rien allez, dire. Allez, fous le camp. Fous-moi le camp. Polo. Fiche-moi le camp d'ici. Polo. Fiche-moi le camp. Polo. Fiche-moi le camp. Polo. Fiche-moi le camp. Eh, hey, la porte, je te la mets en pleine gueule. Allez, dégage. Allez, hop là. Ainsi achève le polo show. Allez. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Et pour terminer, monsieur A. Ah, ça allez, passez un bon week-end tout le monde. Mickaël. Tous les soirs 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.